Bonsoir à toutes et à tous. Patrick Modiano est le grand invité de France Culture depuis 14h cet après-midi. Il a reçu ce jeudi le prix Nobel de littérature et nous avons souhaité sur France Culture lui consacrer toute notre antenne avec des entretiens inédits, des documentaires et ce soir jusqu'à minuit, plusieurs lectures d'extraits de ses romans par des comédiens. La plupart de ces lectures ont été enregistrées dans le cadre du Marathon des mots en 2012. Il s'agit de Place de l'Étoile, lu par Éric Genovès de la Comédie Française, Rue des Boutiques Obscures, lu par Georges Clès, L'Horizon, lu par Irène Jacob. L'on pourra réentendre aussi ce soir une longue lecture par Samy Fray de Dora Bruder, enregistrée en 2009 à l'occasion du festival Paris en toutes lettres. Je vous propose donc dès maintenant, après avoir entendu longuement la parole de Patrick Modiano, mais aussi la parole de ses amis écrivains, je vous propose de plonger dans la matière de ses mots et de ses phrases. Patrick Modiano dit parfois qu'il a le sentiment d'écrire toujours le même livre. Voici ce soir quatre fragments de son œuvre, qui sont comme quatre mouvements. Nous commencerons donc par le commencement, depuis sa toute première entrée en littérature en 1968, une entrée fracassante avec Place de l'Étoile. Il avait 23 ans, le livre a reçu le prix Roger Nimier et le prix Fénéon. Tout de suite, Éric Genovès de la Comédie Française lit le premier chapitre de ce premier livre de Patrick Modiano. C'était le temps où je dissipais mon héritage vénézuélien. Certains ne parlaient plus que de ma belle jeunesse et de mes boucles noires. D'autres m'abreuvaient d'injures. Je relis une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabatette dans un numéro spécial d'Ici la France. Jusqu'à quand devrons-nous assister aux frasques de Raphaël Chlemilovitch ? Jusqu'à quand ce juif promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies du Touquet au Cap d'Antibes, de la Baule à Aix-les-Bains ? Je pose une dernière fois la question. Jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France ? Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse juive ? Dans le même journal, le docteur Bardamu éructait sur mon compte. Chlemilovitch, ah, la moisissure de ghetto terriblement puante, pamoison, chiotte, foutriquet prépuce, arsouille, libano-ganac, rentemplant, blanc. Contemplez donc ce gigolo yiddish, cet effréné en paffeur de petites ariennes, avorton infiniment négroïde, cet abyssin frénétique jeune nabab. À l'aide, qu'on les tripe, le châtre. Délivrez le docteur d'un pareil spectacle, qu'on le crucifie, nom de Dieu, rastaquer des cocktails infâmes, youtre des palaces internationaux, des partous made in Haïfa, Cannes, Davos, Capri et tutti quanti, grand bordel extrêmement hébraïque. Délivrez-nous de ce circoncis muscadin, ces Maserati rose Salomon, ces yachts façon tibériade, ces cravates Sinaï, que les ariennes, ces esclaves, lui arrachent le gland, avec leurs belles quenottes de chez nous, leurs mains mignonnes, lui crèvent les yeux. Suce au calife. Révolte du harem chrétien, vite, vite, refus de lui lécher les testicules, lui faire des mignardises contre des dollars. Libérez-vous, du cran, Madelon. Autrement, le docteur, il va pleurer, se consumer. Affreuse injustice, complot du Sanhédrin. On en veut à la vie du docteur. Croyez-moi, le consistoire, la banque Rothschild, Cain d'Anvers, Chlemilovitch, aidez Bardamu, fillette, au secours. Le docteur ne me pardonnait pas mon Bardamu démasqué que je lui avais envoyé de Capri. Je révélais dans cette étude mon émerveillement de jeune juif quand, à 14 ans, je lus d'un seul trait le voyage de Bardamu et les enfances de Louis Ferdinand. Je ne passais pas sous silence ces pamphlets antisémites comme le font les bonnes âmes chrétiennes. J'écrivais à leur sujet « Le docteur Bardamu consacre une bonne partie de son œuvre à la question juive. Rien d'étonnant à cela. » Le docteur Bardamu est l'un des nôtres. C'est le plus grand écrivain juif de tous les temps. Voilà pourquoi il parle de ses frères de race avec passion. Dans ses œuvres purement romanesques, le docteur Bardamu rappelle notre frère de race Charlie Chaplin par son goût des petits détails pitoyables, ses figures émouvantes de persécutés. La phrase du docteur Bardamu est encore plus juive que la phrase tarabiscotée de Marcel Proust. Une musique tendre, larmoyante, un peu raccrocheuse, un tantinet cabotine. Je concluais. Seuls les Juifs peuvent vraiment comprendre l'un des leurs. Seul un Juif peut parler à bon escient du docteur Bardamu. Pour toute réponse, le docteur m'envoya une lettre injurieuse. Selon lui, je dirigeais à coups de partous et de millions le complot juif mondial. Je lui fis parvenir aussitôt ma psychanalyse de Dreyfus, où j'affirmais noir sur blanc la culpabilité du capitaine. Voilà qui était original de la part d'un juif. J'avais développé la thèse suivante. Alfred Dreyfus aimait passionnément la France de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc et des Chouans, ce qui expliquait sa vocation militaire. La France, elle, ne voulait pas du juif Alfred Dreyfus. Alors il l'avait trahi, comme on se venge d'une femme méprisante aux éperons en forme de fleurs de lys. Barrès, Zola et Déroulède ne comprirent rien à cet amour malheureux. Une telle interprétation décontenança sans doute le docteur. Il ne me donna plus signe de vie. Les vociférations de Rabatête et de Bardamu étaient étouffées par les éloges que me décernaient les chroniqueurs mondains. La plupart d'entre eux citaient Valéry Larbaud et Scott Fitzgerald. On me comparait à Barnabooth, on me surnommait « The Young Gatsby ». Les photographies des magazines me représentaient toujours la tête penchée, le regard perdu vers l'horizon. Ma mélancolie était proverbiale dans les colonnes de la presse du cœur. Aux journalistes qui me questionnaient devant le Carlton, le Normandie ou le Miramar, je proclamais inlassablement ma juiverie. D'ailleurs, mes faits et gestes allaient à l'encontre des vertus que l'on cultive chez les Français, la discrétion, l'économie, le travail. J'ai, de mes ancêtres orientaux, l'œil noir, le goût de l'exhibitionnisme et du faste, l'incurable paresse. Je ne suis pas un enfant de ce pays. Je n'ai pas connu les grands-mères qui vous préparent des confitures, ni les portraits de famille, ni le catéchisme. Pourtant, je ne cesse de rêver aux enfances provinciales. La mienne est peuplée de gouvernantes anglaises et se déroule avec monotonie sur des plages frelatées. À Deauville, Miss Evelyn me tient par la main. Maman me délaisse pour des joueurs de polo. Elle vient m'embrasser le soir dans mon lit, mais quelquefois elle ne s'en donne pas la peine. Alors je l'attends. Je n'écoute plus Miss Evelyn et les aventures de David Copperfield. Chaque matin, Miss Evelyn me conduit au Poney Club. J'y prends mes leçons d'équitation. Je serai le plus célèbre joueur de polo du monde pour plaire à maman. Les petits Français connaissent toutes les équipes de football. Moi, je ne pense qu'au polo. Je me répète ces mots magiques. La Versine, si bao la pampa, Silverlease, Porfirio Rubirosa. Au Poney Club, on me photographie beaucoup avec la jeune princesse Laila, ma fiancée. L'après-midi, Miss Evelyn nous achète des parapluies en chocolat chez la marquise de Sévigné. Laila préfère les sucettes. Celles de la marquise de Sévigné ont une forme oblongue et un joli bâtonnet. Il m'arrive de semer Miss Evelyn quand elle m'emmène à la plage, mais elle sait où me trouver. Avec l'ex-roi Firouz ou le baron Truffaldine, deux grandes personnes qui sont mes amies. L'ex-roi Firouz m'offre des sorbets à la pistache en s'exclamant « Aussi gourmand que moi, mon petit Raphaël !» Le baron Truffaldine se trouve toujours seul et triste au bar du soleil. Je m'approche de sa table et me plante devant lui. Ce vieux monsieur me raconte alors des histoires interminables dont les protagonistes s'appellent Cléo de Mérode, Otero, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, Odette de Crécy. Des fées, certainement, comme dans les contes d'Andersen. Les autres accessoires qui encombrent mon enfance sont les parasols oranges de la plage, le Précatelan, le cours Atmer, David Copperfield, la comtesse de Ségur, l'appartement de ma mère Kay Conti et trois photos de Lipnitsky où je figure à côté d'un arbre de Noël. ce sont les collèges suisses et mes premiers flirts à Lausanne. La Duisenberg que mon oncle vénézuélien Vidal m'a offerte pour mes 18 ans glisse dans le soir bleu. Je franchis un portail, traverse un parc qui descend en pente douce jusqu'au Léman et gare ma voiture devant le perron d'une villa illuminée. Quelques jeunes filles en robe claire m'attendent sur la pelouse. Scott Fitzgerald a parlé mieux que je ne saurais le faire de ces parties où le crépuscule est trop tendre, trop vif les éclats de rire et le scintillement des lumières pour présager rien de bon. Je vous recommande donc de lire cet écrivain et vous aurez une idée exacte des fêtes de mon adolescence. À la rigueur, lisez Fermina Marquez de Larbeau. Si je partageais les plaisirs de mes camarades cosmopolites de Lausanne, je ne leur ressemblais pas tout à fait. Je me rendais souvent à Genève. Dans le silence de l'hôtel des Bergues, je lisais les bucoliques grecs et m'efforçais de traduire élégamment l'Énéide. Au cours d'une de ces retraites, je fis la connaissance d'un jeune aristocrate tourangeau, Jean-François Desessard. Nous avions le même âge et sa culture me stupéfia. Dès notre première rencontre, il me conseilla pêle-mêle la Délie de Maurice Sève, les comédies de Corneille, les mémoires du cardinal de Retz. Il m'initia à la grâce et à la litote française. Je découvris chez lui des qualités précieuses, le tact, la générosité, une très grande sensibilité, une ironie mordante. Je me souviens que Desessard comparait notre amitié à celle qui unissait Robert de Saint-Loup et le narrateur dans la recherche du temps perdu. « Vous êtes juif comme le narrateur, me disait-il, et je suis le cousin de Noailles, des Rochechouart-Mortemart et des La Rochefoucauld, comme Robert de Saint-Loup. Ne vous effrayez pas. Depuis un siècle, l'aristocratie française a un faible pour les juifs. Je vous ferai lire quelques pages de Drummond où ce brave homme nous le reproche amèrement. » Je décidai de ne plus retourner à Lausanne et sacrifiai sans remords à Desessard mes camarades cosmopolites. Je raclai le fond de mes poches. Il me restait 100 dollars. Desessard n'avait pas un sou vaillant. Je lui conseillai néanmoins de quitter son emploi de chroniqueur sportif à la Gazette de Lausanne. Je venais de me rappeler qu'au cours d'un week-end anglais, quelques camarades m'avaient entraîné dans un manoir proche de Bournemouth pour me montrer une vieille collection d'automobiles. Je retrouvai le nom du collectionneur, Lord Allahabad, et lui vendis ma Duisenberg 14 000 livres sterling. Avec cette somme, nous pouvions vivre honorablement une année sans avoir recours au mandat télégraphique de mon oncle Vidal. Nous nous installâmes à l'hôtel des Bergues. Je garde de ces premiers temps de notre amitié un souvenir ébloui. Le matin, nous flânions chez les antiquaires du vieux Genève. Desessard me fit partager sa passion pour les bronzes 1900. Nous en achetâmes une vingtaine qui encombraient nos chambres, particulièrement une allégorie verdâtre du travail et deux superbes chevreuils. Un après-midi, Desessard m'annonça qu'il avait fait l'acquisition d'un footballeur de bronze. « Bientôt, les snobs parisiens s'arracheront à prix d'or tous ces objets. Je vous le prédis, mon cher Raphaël. S'il ne tenait qu'à moi, le style Albert Lebrun serait remis à l'honneur. » Je lui demandai pourquoi il avait quitté la France. « Le service militaire, m'expliqua-t-il, ne convenait pas à ma délicate constitution. Alors j'ai déserté. » « Nous allons réparer cela, lui dis-je. Je vous promets de trouver à Genève un artisan habile qui vous fera de faux papiers. Vous pourrez sans inquiétude retourner en France quand vous le voudrez. » L'imprimeur marron avec lequel nous entrâmes en rapport nous délivra un acte de naissance et un passeport suisse au nom de Jean-François Lévy, né à Genève le 30 juillet 1940. « Je suis maintenant votre frère de race. » me dit Desessard. La condition de goy m'ennuyait. Je décidai aussitôt de transmettre une déclaration anonyme aux journaux de gauche parisiens. Je la rédigeai en ces termes. Depuis le mois de novembre dernier, Je suis coupable de désertion, mais les autorités militaires françaises jugent plus prudent de garder le silence sur mon cas. Je leur ai déclaré ce que je déclare aujourd'hui publiquement. Je suis juif, et l'armée qui a dédaigné les services du capitaine Dreyfus se passera des miens. On me condamne parce que je ne remplis pas mes obligations militaires. Jadis, le même tribunal a condamné Alfred Dreyfus parce que lui, juif, avait osé choisir la carrière des armes. En attendant que l'on m'éclaire sur cette contradiction, je me refuse à servir comme soldat de seconde classe dans une armée qui, jusqu'à ce jour, n'a pas voulu d'un maréchal Dreyfus. J'invite les jeunes juifs français à suivre mon exemple. Je signais Jacob X. La gauche française s'empara fiévreusement du cas de conscience de Jacob X, comme je l'avais souhaité. Ce fut la troisième affaire juive de France après l'affaire Dreyfus et l'affaire Finali. Des essarts se prenaient au jeu et nous rédigeâmes ensemble une magistrale confession de Jacob X qui parut dans un hebdomadaire parisien. Jacob X avait été recueilli par une famille française dont il tenait à préserver l'anonymat. Elle se composait d'un colonel pétainiste, de sa femme, une ancienne cantinière, et de trois garçons. L'aîné avait choisi les chasseurs alpins, le second la marine, le cadet venait d'être reçu à Saint-Cyr. Cette famille habitait Paray-le-Monial et Jacob X passa son enfance à l'ombre de la basilique. Les portraits de Gallieni, de Foch, de Joffre, la croix militaire du colonel X et plusieurs francisques vichyssoises ornaient les murs du salon. Sous l'influence de ses proches, le jeune Jacob X voua un culte effréné à l'armée française. Lui aussi préparerait Saint-Cyr et serait maréchal comme Pétain. Au collège, M. C, le professeur d'histoire, aborda l'affaire Dreyfus. M. C occupait avant-guerre un poste important dans le PPF. Il n'ignorait pas que le colonel X avait dénoncé aux autorités allemandes les parents de Jacob X et que l'adoption du petit juif lui avait sauvé la vie de justesse à la libération. M. C méprisait le pétainisme saint-sulpicien des X. Il se réjouit à l'idée de semer la discorde dans cette famille. Après son cours, il fit signe à Jacob X de s'approcher et lui dit à l'oreille « Je suis sûr que l'affaire Dreyfus vous cause beaucoup de peine. Un jeune juif comme vous se sent concerné par cette injustice. » Jacob X apprend avec effroi qu'il est juif. Il s'identifiait au maréchal Foch, au maréchal Pétain. Il s'aperçoit tout à coup qu'il ressemble au capitaine Dreyfus. Cependant, il ne cherchera pas à se venger par la trahison comme Dreyfus. Il reçoit ses papiers militaires et ne voit pas d'autre issue pour lui que de déserter. Cette confession créa la discorde parmi les juifs français. Les sionistes conseillèrent à Jacob X d'émigrer en Israël. Là-bas, il pourrait légitimement prétendre au bâton de maréchal. Les juifs honteux et assimilés prétendirent que Jacob X était un agent provocateur au service des néo-nazis. La gauche défendit le jeune déserteur avec passion. L'article de Sartre, Saint Jacob X, comédien et martyr, déclencha l'offensive. On se souvient du passage le plus pertinent. Désormais, il se voudra juif, mais juif dans l'abjection, sous les regards sévères de Gallieni, de Joffre, de Foch, dont les portraits se trouvent au mur du salon, il se comportera comme un vulgaire déserteur, lui qui ne cesse de vénérer depuis son enfance l'armée française, la casquette du père Bugeaud et les Francisques de Pétain. Bref, il éprouvera la honte délicieuse de se sentir l'autre, c'est-à-dire le mal. Plusieurs manifestes circulaires qui réclamaient le retour triomphal de Jacob X. Un meeting eut lieu à la Mutualité. Sartre supplia Jacob X de renoncer à l'anonymat, mais le silence obstiné du déserteur découragea les meilleures volontés. Nous prenons nos repas au Berg. L'après-midi, Des Essarts travaille à un livre sur le cinéma russe d'avant la Révolution. Quant à moi, je traduis les poètes alexandrins. Nous avons choisi le bar de l'hôtel pour nous livrer à ces menus travaux. Un homme chauve aux yeux de braise vient s'asseoir régulièrement à la table voisine de la nôtre. Un après-midi, il nous adresse la parole en nous regardant fixement. Tout à coup, il sort de sa poche un vieux passeport et nous le tend. Je lis avec stupéfaction le nom de Maurice Sachs. L'alcool le rend volubile. Il nous raconte ses mésaventures depuis 1945, date de sa prétendue disparition. Il a été successivement agent de la Gestapo, GI, marchand de bestiaux en Bavière, courtier à Anvers, tenancier de bordel à Barcelone, clown dans un cirque de Milan sous le sobriquet de Lola Montes. Enfin, il s'est fixé à Genève, où il tient une petite librairie. Nous buvons jusqu'à 3 heures du matin pour fêter cette rencontre. À partir de ce jour, nous ne quittons plus Maurice d'une semelle et lui promettons solennellement de garder le secret de sa survie. Nous passons nos journées assis derrière les piles de livres de son arrière-boutique et l'écoutons ressusciter pour nous 1925. Maurice évoque d'une voix éraillée par l'alcool Gide, Cocteau, Coco Chanel. L'adolescent des années folles n'est plus qu'un gros monsieur gesticulant au souvenir des Hispano-Suiza et du bœuf sur le toit. Depuis 1945, je me survis, nous confie-t-il. J'aurais dû mourir au bon moment, comme Drieux La Rochelle. Seulement voilà, je suis juif, j'ai l'endurance des rats. Je prends note de cette réflexion et le lendemain, j'apporte à Maurice mon Drieux et Saxe, où mènent les mauvais chemins. Je montre dans cette étude comment deux jeunes gens de 1925 s'étaient perdus à cause de leur manque de caractère. Drieux, grand jeune homme de Sciences Po, petit bourgeois français fasciné par les voitures décapotables, les cravates anglaises, les jeunes américaines et se faisant passer pour un héros de 14-18. Saxe, jeune juif charmant et demeure douteuse, produit d'une après-guerre faisandée. Vers 1940, la tragédie s'abat sur l'Europe. Comment vont réagir nos deux muscadins ? Drieux se souvient qu'il est né dans le Cotentin et entonne 4 ans de suite le Horst Wessellied d'une voix de fausset. Pour Saxe, Paris occupé est un Éden où il va se perdre frénétiquement. Ce Paris-là lui fournit des sensations plus vives que le Paris de 1925. On peut y faire du trafic d'or, louer des appartements dont on revend ensuite le mobilier, échanger 10 kilos de beurre contre un saphir, convertir le saphir en ferraille, etc. La nuit et le brouillard évitent de rendre des comptes. Mais surtout, quel bonheur d'acheter sa vie au marché noir, de dérober chacun des battements de son cœur, de se sentir l'objet d'une chasse à cour. On imagine mal Saxe dans la résistance, luttant avec des petits fonctionnaires français pour le rétablissement de la morale, de la légalité et du plein jour. Vers 1943, quand il sent que la meute et les ratières le menacent, il s'inscrit comme travailleur volontaire en Allemagne et devient par la suite membre actif de la Gestapo. Je ne veux pas mécontenter Maurice, je le fais mourir en 1945 et passe sous silence ses diverses réincarnations de 1945 à nos jours. Je conclus ainsi, qui aurait pu penser que ce charmant jeune homme 1925 se ferait dévorer 20 ans après par des chiens dans une plaine de Poméranie ? Après avoir lu mon étude, Maurice me dit c'est très joli, Chlemilovitch, ce parallèle entre Drieux et moi, mais enfin, je préférerais un parallèle entre Drieux et Brasillac. Vous savez, je n'étais qu'un farceur à côté de ces deux-là. Écrivez donc quelque chose pour demain matin et je vous dirai ce que j'en pense. Maurice est ravi de conseiller un jeune homme. Il se rappelle sans doute les premières visites qu'il rendait, le cœur battant, à Gide et à Cocteau. Mon Drieux et Brasillac lui plaît beaucoup. J'ai tenté de répondre à la question suivante. Pour quel motif Drieux et Brasillac avaient-ils collaboré ? La première partie de cette étude s'intitule « Pierre Drieux-La Rochelle ou le couple éternel du SS et de la Juive ». Un thème revenait souvent dans les romans de Drieux, le thème de la Juive. Gilles Drieux, ce fier viking, n'hésitait pas à macroter les juives, une certaine Myriam, par exemple. On peut aussi expliquer son attirance pour les juifs de la façon suivante. Depuis Walter Scott, il est bien entendu que les juives sont de gentilles courtisanes qui se plient à tous les caprices de leurs seigneurs et maîtres ariens. Auprès des juives, Drieux se donnait l'illusion d'être un croisé, un chevalier teutonique. Jusque-là, mon analyse n'avait rien d'original. Les commentateurs de Drieux insistant tous sur le thème de la juive chez cet écrivain. Mais le Drieux collaborateur, je l'explique aisément. Drieux était fasciné par la virilité dorique. En juin 1940, les vrais Ariens, les vrais guerriers, déferlent sur Paris. Drieux quitte avec précipitation le costume de viking qu'il avait loué pour brutaliser les jeunes filles juives de Passy. Il retrouve sa vraie nature. Sous le regard bleu métallique des SS, il mollit, il fond, il se sent soudain des langueurs orientales. Bientôt, il se pâme dans les bras des vainqueurs. Après leur défaite, il s'immole. Une telle passivité, un tel goût pour le nirvana étonne chez ce Normand. La deuxième partie de mon étude s'intitule « Robert Brasillach ou la demoiselle de Nuremberg ». Nous avons été quelques-uns à coucher avec l'Allemagne, avouait-il, et le souvenir nous en restera doux. Sa spontanéité rappelle celle des jeunes viennoises pendant l'Anschluss. Les soldats allemands défilaient sur le ring et elles avaient revêtu, pour leur jeter des roses, de très coquets dirndls. Ensuite, elles se promenaient au Prater avec ses anges blonds. Et puis venait le crépuscule enchanté du Stadtpark où l'on embrassait un jeune SS Totenkopf en lui murmurant des lieds de Schubert. Mon Dieu, que la jeunesse était belle de l'autre côté du Rhin. Comment ne pouvait-on pas tomber amoureux du jeune hitlérien Gwex ? À Nuremberg, Brasillach n'en croyait pas ses yeux. Muscles ambrés, regards clairs, lèvres frémissantes des Hitlerjugend et leurs verges qu'on devinait tendues dans la nuit embrasée, une nuit aussi pure que celle que l'on voit tomber sur Tolède du haut des Cigarales. J'ai connu Robert Brasillach à l'école normale supérieure. Il m'appelait affectueusement son bon Moïse ou son bon Juif. Nous découvrions ensemble le Paris de Pierre Corneille et de René Clair, semé de bistrots sympathiques où nous buvions des petits blancs. Robert me parlait avec malice de notre bon maître André Belsor et nous échafaudions quelques canulars savoureux. L'après-midi, nous tapirisions de jeunes cancres juifs, bêtes et prétentieux. Le soir, nous allions au cinématographe ou bien nous dégustions avec nos amis archicubes de plantureuses brandades de morue. Et nous buvions vers minuit ces orangeades glacées dont Robert était friand parce qu'elles lui rappelaient l'Espagne. Tout cela, c'était notre jeunesse, le matin profond que nous ne retrouverons jamais plus. Robert commença une brillante carrière de journaliste. Je me souviens d'un article qu'il écrivit sur Julien Benda. Nous nous promenions Parc Montsouris et notre grand môle dénonçait à voix virile l'intellectualisme de Benda, son obscénité juive, sa sénilité de talmudiste. « Pardonnez-moi, me dit-il tout à coup, je vous ai blessé sans doute. J'avais oublié que vous étiez israélite. Je rougis jusqu'au bout des ongles. Non, Robert, je suis un goy d'honneur. Ignorez-vous qu'un Jean Lévy, un Pierre-Marius Zadok, un Raoul-Charles Léman, un Marc Boisson, un René Riquier, un Louis Lazarus, un René Gross, tous juifs comme moi, furent de chauds partisans de Maurras. Eh bien, moi, Robert, je veux travailler à « Je suis partout ». Introduisez-moi chez vos amis, je vous en supplie. Je tiendrai la rubrique antisémite à la place de Lucien Rebattet. Imaginez un peu le scandale. Schlemilovitch traitant Blum de Youpin. Robert fut enchanté par cette perspective. Bientôt, je sympathisais avec P.A. Cousteau, bordelais brun et viril, le caporal Ralph Soupeau, Robert Andriveau, fasciste endurci et ténor sentimental de nos banquets, le Toulousain jovial Alain Lobreau, enfin le chasseur alpin Lucien Rebattet. C'est un homme, il tient la plume comme il tiendra un fusil le jour venu. Je donnais tout de suite à ce paysan dauphinois quelques idées propres à meubler sa rubrique antisémite. Par la suite, Rebattet ne cessa de me demander des conseils. J'ai toujours pensé que les goyes chaussent de trop gros sabots pour comprendre les juifs. Leur antisémitisme même est maladroit. Nous nous servions de l'imprimerie de l'Action française. Je sautais sur les genoux de Maurras et caressais la barbe de Pujot. Maxime Réal del Sarthe n'était pas mal non plus. Les délicieux vieillards. Juin 1940. Je quitte la petite bande de Je suis partout en regrettant nos rendez-vous place d'enfer Rochereau. Je me suis lassé du journalisme et caresse des ambitions politiques. J'ai pris la résolution d'être un juif collaborateur. Je me lance d'abord dans la collaboration mondaine. Je participe au thé de la propagande à Staffel, au dîner de Jean Luchaire, au souper de la rue Lauriston et cultive soigneusement l'amitié de Brinon. J'évite Céline et Drieux-La Rochelle, trop enjuivés pour mon goût. Je deviens bientôt indispensable. Je suis le seul juif, le bon juif de la collabo. Luchaire me fait connaître à Betz. Nous convenons d'un rendez-vous. Je lui pose mes conditions. Je veux 1. Remplacer au commissariat des questions juives d'Arquier de Pellepoix cet ignoble petit français. 2. Jouir d'une entière liberté d'action. Il me semble absurde de supprimer 500 000 juifs français. Abetz paraît vivement intéressé, mais ne donne pas suite à mes propositions. Je demeure pourtant en excellents termes avec lui et Stulpnagel. Il me conseille de m'adresser à Doriot ou à Déa. Doriot ne me plaît pas beaucoup à cause de son passé communiste et de ses bretelles. Je flaire en Déa l'instituteur radical socialiste. Un nouveau venu m'impressionne par son béret. Je veux parler de Joe Darnan. Chaque antisémite a son bon juif. Joe Darnan est mon bon français d'image d'Épinal, avec sa face de guerrier qui interroge la plaine. Je deviens son bras droit et noue à la milice de solides amitiés. Ces garçons bleu marine ont du bon, croyez-moi. L'été 1944, après diverses opérations menées dans le Vercors, nous nous réfugions à Sigmaringen avec nos francs-gardes. En décembre, lors de l'offensive von Rundstedt, je me fais abattre par un GI nommé Lévy, qui me ressemble comme un frère. J'ai découvert dans la librairie de Maurice tous les numéros de La Gerbe, du Pilori, de Je suis partout, et quelques brochures pétainistes consacrées à la formation des chefs. Exception faite de la littérature pro-allemande, Maurice possède au complet les œuvres d'écrivains oubliés. Pendant que je lis les antisémites Montandon et Marquès Rivière, des Essarts s'absorbent dans les romans d'Édouard Rode, de Marcel Prévost, d'Estonnier, de Boilève, d'Abel Herman. Il rédige un petit essai « Qu'est-ce que la littérature ?» qu'il dédie à Jean-Paul Sartre. Des Essarts a une vocation d'antiquaire. Il propose de remettre à l'honneur les romanciers des années 1880 qu'il vient de découvrir. Il se ferait tout aussi bien le défenseur du style Louis-Philippe ou Napoléon III. Le dernier chapitre de son essai s'intitule « Mode d'emploi de certains auteurs » et s'adresse aux jeunes gens avides de se cultiver. « Édouard Estonnier, écrit-il, doit se lire dans une maison de campagne, vers 5 heures de l'après-midi, un verre d'Armagnac à la main. » Le lecteur portera un complet strict de chez Orozen ou Creed, une cravate club et une pochette de soie noire. Pour René Boilève, je conseillerais de le lire l'été, à Cannes ou à Monte-Carlo, vers 8 heures du soir, en costume d'alpaga. Les romans d'Abel Herman exigent du doigté. On les lira à bord d'un yacht panaméen, en fumant des cigarettes mentholées. Maurice, lui, poursuit la rédaction du troisième volume de ses mémoires, Le Revenant, après Le Sabbat et La Chasse à cour. Pour ma part, j'ai décidé d'être le plus grand écrivain juif français après Montaigne, Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline. Patrick Génovèse de la Comédie-Française lisait le premier chapitre de La Place de l'Étoile, le premier livre de Patrick Modiano, publié en 1968. L'enregistrement s'est déroulé au cours du Marathon des mots, consacré à Patrick Modiano en juin 2012 à Toulouse. Nous avons souhaité, sur France Culture, suivre une sorte de fil chronologique pour ces lectures consacrées à Patrick Modiano. 10 ans après Place de l'Étoile, l'écrivain publiait son 6e livre, Rue des boutiques obscures, un roman qui reçut le prix Goncourt. Georges Clès nous lit ce soir le 11e chapitre, Tout commence par une vieille petite gare. Une vieille petite gare, jaune et gris, avec de chaque côté des barrières de ciment ouvragées. Et derrière ces barrières, le quai où je suis descendu de la Micheline. La place de la gare serait déserte si un enfant ne faisait du patin à roulettes sous les arbres du terre-plein. Moi aussi, j'ai joué là il y a longtemps, pensais-je. Cette place calme me rappelait vraiment quelque chose. Mon grand-père, Howard Deluce, venait me chercher au train de Paris. Ou bien, était-ce le contraire? Les soirs d'été, j'allais l'attendre sur le quai de la gare en compagnie de ma grand-mère, née Mabel Donahue. Un peu plus loin, une route aussi large qu'une nationale, mais de très rares voitures y passent. J'ai longé un jardin public enclos de ces mêmes barrières en ciment que j'avais vues sur la place de la gare. De l'autre côté de la route, quelques magasins sous une sorte de préau, un cinéma, puis une auberge cachée par des feuillages au coin d'une avenue qui monte en pente douce. Je m'y suis engagé sans hésitation car j'avais étudié le plan de Valbreuse. Au bout de cette avenue bordée d'arbres, un mur d'enceinte et une grille sur laquelle était fixé un écriteau de bois pourri où j'ai pu lire, en devinant la moitié des lettres, « Administration des domaines ». Derrière la grille s'étendait une pelouse à l'abandon. Tout au fond, une longue bâtisse de briques et de pierres dans le style Louis XIII. Au milieu de celle-ci, un pavillon plus élevé d'un étage faisait saillie. Et la façade était complétée à chaque extrémité par 2 pavillons latéraux coiffés de dômes. Les volets de toutes les fenêtres étaient fermés. Un sentiment de désolation m'a envahi. Je me trouvais peut-être devant le château où j'avais vécu mon enfance. J'ai poussé la grille et l'ai ouverte sans difficulté. Depuis combien de temps n'avais-je pas franchi ce seuil ? À droite, j'ai remarqué un bâtiment de briques qui devait être les écuries. Les herbes m'arrivaient à mi-jambes et j'essayais de traverser la pelouse le plus vite possible en direction du château. Cette bâtisse silencieuse m'intriguait. Je craignais de découvrir que derrière la façade, il n'y avait plus rien que des herbes hautes et des pans de murs écroulés. Quelqu'un m'appelait. Je me suis retourné. Là-bas, devant le bâtiment des écuries, un homme agitait le bras. Il marchait vers moi et je restais figé à le regarder au milieu de la pelouse qui ressemblait à une jungle. Un homme assez grand, massif, vêtu de velours vert. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il s'était arrêté à quelques pas de moi, un brun avec des moustaches. « Je voudrais des renseignements sur M. Howard Deluce. » Je m'avançais. Peut-être allait-il me reconnaître. Chaque fois, j'ai ce même espoir et chaque fois, je suis déçu. Quel monsieur Howard Deluce ? Freddy. J'avais lancé Freddy d'une voix altérée, comme si c'était mon prénom que je prononçais après des années d'oubli. Il écarquillait les yeux. Freddy ? À cet instant, j'ai vraiment cru qu'il m'appelait par mon prénom. Freddy ? Mais il n'est plus là. Non. Il ne m'avait pas reconnu. Personne ne me reconnaissait. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Je voudrais savoir ce qu'est devenu Freddy Howard Deluce. Il me dévisageait avec un regard méfiant et il enfonça une main dans la poche de son pantalon. Il allait sortir une arme et me menacer. Mais non, il tira de sa poche un mouchoir dont il s'épongea le front. Qui êtes-vous ? J'ai connu Freddy en Amérique il y a longtemps et j'aimerais avoir des nouvelles de lui. Son visage s'éclaira brusquement à ce mensonge. En Amérique ? Vous avez connu Freddy en Amérique ? Le nom d'Amérique semblait le faire rêver. Il m'aurait embrassé, je crois, tant il m'était reconnaissant d'avoir connu Freddy en Amérique. En Amérique ? Alors, vous l'avez connu quand il était le confident de John Gilbert. Toute méfiance de sa part avait fondu. Il me prit même par le poignet. Venez par ici. Il m'attira vers la gauche, le long du mur d'enceinte, où l'herbe était moins haute et où l'on devinait l'ancien tracé d'un chemin. Je n'ai plus de nouvelles de Freddy depuis très longtemps, me dit-il d'une voix grave. Son costume de velours vert était usé par endroits jusqu'à la trame, et on y avait cousu des pièces de cuir aux épaules, aux coudes et aux genoux. Vous êtes américain ? Oui. Freddy m'avait envoyé plusieurs cartes postales d'Amérique. Vous les avez gardées ? Bien sûr. Nous marchions vers le château. Vous n'étiez jamais venu ici ? Me demanda-t-il. Jamais. Mais comment avez-vous eu l'adresse ? Par un cousin de Freddy, Claude Howard Toulouse. Connais pas. Nous arrivions devant l'un de ces pavillons coiffés d'un dôme que j'avais remarqué à chaque extrémité de la façade du château. Nous le contournâmes. Il me désigna une petite porte. C'est la seule porte par laquelle on peut entrer. Il tourna une clé dans la serrure. Nous entrâmes. Il me guida à travers une pièce sombre et vide, puis le long d'un couloir. Nous débouchâmes sur une autre pièce aux verrières de couleur qui lui donnait l'aspect d'une chapelle ou d'un jardin d'hiver. C'était la salle à manger d'été, me dit-il. Pas un meuble. Sauf un vieux divan au velours rouge râpé, et nous nous y assîmes. Il sortit une pipe de sa poche et l'alluma placidement. Les verrières laissaient passer la lumière du jour en lui donnant une tonalité bleu pâle. Je levai la tête et je remarquai que le plafond était bleu pâle lui aussi, avec quelques taches plus claires, des nuages. Il avait suivi mon regard. C'était Freddy qui avait peint le plafond et le mur. Le seul mur de la pièce était peint en vert et on y voyait un palmier presque effacé. J'essayais de m'imaginer cette pièce jadis quand nous y prenions nos repas. Le plafond où j'avais peint le ciel. Le mur vert où j'avais voulu, par ce palmier, ajouter une note tropicale. Les verrières à travers lesquelles un jour bleuté tombait sur nos visages. Mais ces visages, quels étaient-ils ? C'est la seule pièce où l'on peut encore aller, me dit-il. Il y a des scellés sur toutes les portes. Pourquoi ? La maison est sous séquestre. Ces mots me glacèrent. Ils ont tout mis sous séquestre. Mais moi, ils m'ont laissé là. Jusqu'à quand ? Il tirait sur sa pipe et hochait la tête. De temps en temps, il y a un type des domaines qui vient inspecter. Ils n'ont pas l'air de prendre une décision. Qui ? Les domaines ? Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire, mais je me rappelais l'inscription sur l'écriteau de bois pourri, « Administration des domaines ». Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Ah oui, je suis venu à la mort de M. Howard Toulouse, le grand-père de Freddy. Je m'occupais du parc et servais de chauffeur à madame, la grand-mère de Freddy. Et les parents de Freddy ? Je crois qu'ils sont morts très jeunes, il a été élevé par ses grands-parents. Ainsi, j'avais été élevé par mes grands-parents. Après la mort de mon grand-père, nous vivions seuls ici avec ma grand-mère, née Mabel Donahue, et cet homme. Comment vous appelez-vous ? Lui demandai-je. Robert. Freddy, vous appelez comment ? Sa grand-mère m'appelait Bob. Elle était américaine. Freddy aussi m'appelait Bob. Ce prénom de Bob ne m'évoquait rien. Mais lui non plus, après tout, ne me reconnaissait pas. Ensuite, la grand-mère est morte. Ça n'allait déjà pas très fort du point de vue financier. Le grand-père de Freddy avait dilapidé la fortune de sa femme, une très grosse fortune américaine. Il tirait posément sur sa pipe et des filets de fumée bleue montaient au plafond. Cette pièce, avec ses grandes verrières et les dessins de Freddy, les miens, au mur et au plafond, était sans doute pour lui un refuge. Ensuite, Freddy a disparu, sans prévenir. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ils ont tout foutu sous séquestre. De nouveau, ce terme sous-séquestre, comme une porte que l'on claque brutalement devant vous au moment où vous vous apprêtiez à la franchir. Et depuis, j'attends. Je me demande ce qu'ils ont l'intention de faire de moi. Ils ne peuvent quand même pas me jeter dehors. Vous habitez où ? Dans les anciennes écuries. Le grand-père de Freddy les avait fait aménager. Il m'observait, la pipe serrée entre les dents. Et vous ? Racontez-moi comment vous avez connu Freddy en Amérique. Oh, c'est une longue histoire. Vous ne voulez pas que nous marchions un peu ? Je vais vous montrer le parc de ce côté-là. Volontiers. Il ouvrit une porte-fenêtre et nous descendîmes quelques marches de pierre. Nous nous trouvions devant une pelouse comme celle que j'avais tenté de traverser pour atteindre le château, mais ici, les herbes étaient beaucoup moins hautes. À mon grand étonnement, l'arrière du château ne correspondait pas du tout à la façade. Il était construit de pierres grises. Le toit non plus n'était pas le même. De ce côté-ci, il se compliquait de pans coupés et de pignons, si bien que cette demeure, qui offrait à première vue l'aspect d'un château Louis XIII, ressemblait de dos à ces maisons balnéaires de la fin du XIXe siècle, dont il subsiste encore quelques rares spécimens à Biarritz. J'essaie d'entretenir un peu tout ce côté du parc, me dit-il, mais c'est difficile pour un homme seul. Nous suivions une allée de gravier qui longeait la pelouse. Sur notre gauche, des buissons à hauteur d'homme étaient soigneusement taillés. Il me les désigna. Le labyrinthe. Il a été planté par le grand-père de Freddy. Je m'en occupe du mieux que je peux. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui reste comme avant. Nous pénétrâmes dans le labyrinthe par une de ses entrées latérales et nous nous baissâmes à cause de la voûte de verdure. Plusieurs allées s'entrecroisaient. Il y avait des carrefours, des ronds-points, des virages circulaires ou en angle droit, des cul-de-sac, une charmille avec un banc de bois vert. Enfin, j'avais dû faire ici des parties de cache-cache en compagnie de mon grand-père ou d'amis de mon âge. Et au milieu de ce dédale magique qui sentait le troène et le pain, j'avais sans doute connu les plus beaux moments de ma vie. Quand nous sortîmes du labyrinthe, je ne pus m'empêcher de dire à mon guide « C'est drôle, ce labyrinthe me rappelle quelque chose. » Mais il semblait ne m'avoir pas entendu. Au bord de la pelouse, un vieux portique rouillé auquel étaient accrochées deux balançoires. « Vous permettez ?» Il s'assit sur l'une des balançoires et ralluma sa pipe. Je pris place sur l'autre. Le soleil se couchait et enveloppait d'une lumière tendre et orangée la pelouse et les buissons du labyrinthe. Et la pierre grise du château était mouchetée de cette même lumière. Je choisis ce moment pour lui tendre la photo de Gay Orlov, du vieux Djordjadze et de moi. Vous connaissez ces gens ? Il observa longuement la photo sans ôter la pipe de la bouche. Ah, celle-là, je l'ai bien connue. Il appuyait son index au-dessous du visage de Gay Orlov. La Russe, il le disait d'un ton rêveur et amusé. Oh, vous pensez si je la connaissais, la Russe ? Il éclata d'un rire bref. Freddy est souvent venu ici avec elle les dernières années. Oh, une sacrée fille, une blonde. Je peux vous dire qu'elle buvait sec. Vous la connaissez ? Oui, dis-je, je l'ai vue avec Freddy en Amérique. Il avait connu la Russe en Amérique, hein ? Oui. C'est elle qui pourrait vous dire où se trouve Freddy en ce moment. Il faudrait le lui demander. Et ce type brun, là, à côté de la Russe ? Il se pencha un peu plus sur la photo et la scruta. Mon cœur battait fort. Mais oui, je l'ai connu aussi. Attendez. Mais oui, c'était un ami de Freddy. Il venait ici avec Freddy, la Russe et une autre fille. Je crois que c'était un Américain du Sud ou quelque chose comme ça. Vous ne trouvez pas qu'il me ressemble ? Oui, pourquoi pas, me dit-il sans conviction. Voilà, c'était clair. Je ne m'appelais pas Freddy Howard Deluce. J'ai regardé la pelouse aux herbes hautes dont seule la lisière recevait encore les rayons du soleil couchant. Je ne m'étais jamais promené le long de cette pelouse au bras d'une grand-mère américaine. Je n'avais jamais joué enfant dans le labyrinthe. Ce portique rouillé avec ses balançoires n'avait pas été dressé pour moi. Dommage. Vous dites Américain du Sud ? Oui. Mais il parlait le français comme vous et moi. Vous l'avez vu souvent ici ? Plusieurs fois. Comment saviez-vous qu'il était américain du Sud ? Parce qu'un jour, j'ai été le chercher en voiture à Paris pour le ramener ici. Il m'avait donné rendez-vous là où il travaillait, dans une ambassade d'Amérique du Sud. Quelle ambassade ? Oh, alors là, vous m'en demandez trop. Il fallait que je m'habituasse à ce changement. Je n'étais plus le rejeton d'une famille dont le nom figurait sur quelques vieux bottins mondains et même l'annuaire de l'année, mais un Américain du Sud dont il serait infiniment plus difficile de retrouver les traces. Je crois que c'était un ami d'enfance de Freddy. Il venait ici avec une femme ? Oui, deux ou trois fois, une Française. Ils venaient tous les quatre avec la Russe et Freddy, après la mort de la grand-mère. Il s'est levé. Vous ne voulez pas que nous rentrions ? Il commence à faire froid. La nuit était presque tombée et nous nous sommes retrouvés dans la salle à manger d'été. C'était la pièce préférée de Freddy. Le soir, il restait là, très tard, avec la Russe, l'Américain du Sud et l'autre fille. Le divan n'était plus qu'une tache tendre et sur le plafond, des ombres se découpaient en forme de treillage et de losanges. J'essayais vainement de capter les échos de nos anciennes soirées. Ils avaient installé un billard ici. C'était surtout la petite amie de l'Américain du Sud qui jouait au billard. Elle gagnait à chaque fois. Je peux vous le dire parce que j'ai fait plusieurs parties avec elle. Tenez, le billard est toujours là. Il m'entraîna dans un couloir obscur, alluma une lampe de poche et nous débouchâmes sur un hall d'allée d'où partait un escalier monumental. L'entrée principale. Sous le départ de l'escalier, je remarquai en effet un billard. Il l'éclaira avec sa lampe. Une boule blanche au milieu, comme si la partie avait été interrompue et qu'elle allait reprendre d'un instant à l'autre. Et que Gay Orloff ou moi ou Freddy ou cette mystérieuse Française qui m'accompagnait ici ou Bob se penchaient déjà pour viser. Vous voyez, le billard est toujours là. Il balaya de sa lampe l'escalier monumental. Ça ne sert à rien de monter aux étages, ils ont tout foutu sous scellé. J'ai pensé que Freddy avait une chambre là-haut, une chambre d'enfant, puis une chambre de jeune homme avec des étagères de livres, des photos collées au mur. Et qui sait, sur l'une d'elles, nous étions tous les quatre ou tous les deux, Freddy et moi, bras dessus, bras dessous. Il s'appuya contre le billard pour rallumer sa pipe. Moi, je ne pouvais m'empêcher de contempler ce grand escalier qui ne servait à rien de gravir puisque là-haut, tout était sous scellé. Nous sortîmes par la petite porte latérale qu'il referma en deux tours de clé. Il faisait noir. « Je dois reprendre le train de Paris, lui dis-je. Venez avec moi. » Il me serrait le bras et me guidait le long du mur d'enceinte. Nous arrivâmes devant les anciennes écuries. Il ouvrit une porte vitrée et alluma une lampe à pétrole. Ils ont coupé l'électricité depuis longtemps, mais ils ont oublié de couper l'eau. Nous étions dans une pièce au milieu de laquelle il y avait une table de bois sombre et des chaises d'osier. Au mur, des assiettes de faïence et des plats de cuivre. Une tête de sanglier empaillée au-dessus de la fenêtre. « Je vais vous faire un cadeau. » Il se dirigea vers un bahut au fond de la pièce et l'ouvrit. Il en tira une boîte qu'il posa sur la table et dont le couvercle portait cette inscription « Biscuit Lefèvre Utile, Nantes ». Puis il se planta devant moi. « Vous étiez un ami de Freddy, hein ?» me dit-il d'une voix émue. « Oui. Eh bien, je vais vous donner ça. » Il me désignait la boîte. « Ce sont des souvenirs de Freddy, des petites choses que j'ai pu sauver quand ils sont venus mettre la baraque sous séquestre. » Il était vraiment ému. Je crois même qu'il avait les larmes aux yeux. Je l'aimais bien. Je l'ai connu tout jeune. C'était un rêveur. Il me répétait toujours qu'il achèterait un voilier. Il me disait « Bob, tu seras mon second. » Dieu sait où il est maintenant, s'il est toujours vivant. « On le retrouvera, lui dis-je. Il a été trop gâté par sa grand-mère, vous comprenez ?» Il prit la boîte et me la tendit. Je pensais à Stiopa de Djagoriev et à la boîte rouge qu'il m'avait donnée lui aussi. Décidément, tout finissait dans de vieilles boîtes de chocolat ou de biscuits, ou de cigares. « Merci. Je vous accompagne au train. » Nous suivions une allée forestière et il projetait le faisceau de sa lampe devant nous. Ne se trompait-il pas de chemin ? J'avais l'impression que nous nous enfoncions au cœur de la forêt. J'essaie de me rappeler le nom de l'ami de Freddy, celui que vous m'avez montré sur la photo, l'Américain du Sud. Nous traversions une clairière dont la lune rendait les herbes phosphorescentes. Là-bas, un bouquet de pins parasol. Il avait éteint sa lampe de poche car nous y voyions presque comme en plein jour. C'était là que Freddy montait à cheval avec un autre ami à lui, un jockey. Il ne vous en a jamais parlé de ce jockey ? Jamais. Je ne me souviens plus de son nom. Pourtant, il avait été célèbre. Il avait été le jockey du grand-père de Freddy quand le vieux possédait une écurie de course. L'Américain du Sud connaissait aussi le jockey ? Oh, bien sûr, ils venaient ensemble ici. Le jockey jouait au billard avec les autres. Je crois même que c'était lui qui avait présenté la Russe à Freddy. Je craignais de ne pas retenir tous ces détails. Il aurait fallu les consigner immédiatement sur un petit carnet. Le chemin montait en pente douce et j'avais de la peine à marcher à cause de l'épaisseur des feuilles mortes. Alors, vous vous rappelez le nom de l'Américain du Sud ? Attendez, ça va me revenir. Je serrais la boîte de biscuits contre ma hanche et j'étais impatient de savoir ce qu'elle contenait. Peut-être y trouverais-je certaines réponses à mes questions. Mon nom, ou celui du jockey, par exemple. Nous étions au bord d'un talus et il suffisait de le descendre pour arriver sur la place de la gare. Celle-ci semblait déserte avec son hall étincelant d'une lumière de néon. Un cycliste traversait lentement la place et vint s'arrêter devant la gare. Attendez, son prénom c'était Pedro. Nous restions debout au bord du talus. De nouveau, il avait sorti sa pipe et la nettoyait à l'aide d'un petit instrument mystérieux. Je me répétais à moi-même ce prénom qu'on m'avait donné à ma naissance. Ce prénom avec lequel on m'avait appelé pendant toute une partie de ma vie et qui avait évoqué mon visage pour quelques personnes. Pedro. Pas grand-chose dans cette boîte de biscuits. Un soldat de plomb écaillé avec un tambour, un trèfle à quatre feuilles collé au milieu d'une enveloppe blanche, des photos. Je figure sur deux d'entre elles. Aucun doute, c'est le même homme que celui que l'on voit à côté de Guy Orloff et du vieux Giorgiadze. Un brun de haute taille. Moi. À cette seule différence près que je n'ai pas de moustache. Sur l'une des photos, je me trouve en compagnie d'un autre homme, aussi jeune que moi, aussi grand, mais aux cheveux plus clairs. Freddy ? Oui. Oui, car au dos de la photo, quelqu'un a écrit au crayon « Pedro, Freddy, La Baule ». Nous sommes au bord de la mer et nous portons chacun un peignoir de plage. Une photo apparemment très ancienne. Sur la deuxième photo, nous sommes quatre, Freddy, moi, Guy Orloff, que j'ai reconnu aisément, et une autre jeune femme, tous assis par terre, le dos appuyé au divan de velours rouge de la salle à manger d'été. À droite, on distingue le billard. Une troisième photo représente la jeune femme que l'on voit avec nous dans la salle à manger d'été. Elle est debout devant la table de billard et tient une canne de ce jeu dans les deux mains. Cheveux clairs qui tombent plus bas que les épaules. Celle que j'emmenais au château de Freddy. Sur une autre photo, elle est accoudée à la balustrade d'une véranda. Une carte postale à l'adresse de M. Robert Brun chez Howard Deluz, Valbreuse, Orne. Offre une vue du port de New York. On y lit « Mon cher Bob, amitié d'Amérique. À bientôt, Freddy. » J'ouvre l'enveloppe sur laquelle est collé le trèfle à quatre feuilles. Elle contient quatre petites photographies de la taille de celle qu'on nomme photomaton. L'une de Freddy, l'autre de moi, la troisième de Guy Orloff et la quatrième de la jeune femme aux cheveux clairs. Je trouve également un passeport en blanc de la République dominicaine. En tournant par hasard la photo de la jeune femme aux cheveux clairs, je lis ceci, écrit à l'encre bleue, de la même écriture désordonnée que celle de la carte postale d'Amérique. Pedro, Anjou 1528. Sur combien d'agendas ce numéro de téléphone, qui a été le mien, figure-t-il encore ? Était-ce simplement le numéro de téléphone d'un bureau où l'on ne pouvait me joindre que l'après-midi ? Je compose Anjou 1528. Les sonneries se succèdent, mais personne ne répond. Reste-t-il des traces de mon passage dans l'appartement désert, la chambre inhabitée depuis longtemps, où ce soir le téléphone sonne pour rien ? Je n'ai même pas besoin d'appeler les renseignements. Il suffit que je fasse d'une tension du mollet pivoter le fauteuil de cuir de Hutt. Devant moi, les rangées de bottins et d'annuaires. L'un d'eux, plus petit que les autres, est relié d'une chèvre imprimée vert pâle. C'est celui-ci qu'il me faut. Tous les numéros de téléphone qui existent à Paris depuis 30 ans y sont répertoriés avec les adresses correspondantes. Je tourne les pages, le cœur battant, et je lis Anjou 1528, 10 bis rue Cambacérès, 8e arrondissement. Vous tournez à gauche, et ce qui vous étonnera, ce sera le silence et le vide de cette partie de la rue Cambacérès. Pas une voiture. Je suis passé devant un hôtel et mes yeux ont été éblouis par un lustre qui brillait de tous ses cristaux dans le couloir d'entrée. Il y avait du soleil. Le 10 bis est un immeuble étroit de 4 étages, de hautes fenêtres au premier. Un agent de police se tient en faction sur le trottoir d'en face. L'un des battants de la porte de l'immeuble était ouvert, la minuterie allumée. Un long vestibule au mur gris. Au fond, une porte au petit carreau vitré que j'ai eu de la peine à tirer à cause du blunt. Un escalier sans tapis monte aux étages. Je me suis arrêté devant la porte du premier. J'avais décidé de demander au locataire de chaque étage si le numéro de téléphone Anjou 1528 avait été le leur à un moment donné. Et ma gorge se nouait car je me rendais compte de l'étrangeté de ma démarche. Sur la porte, une plaque de cuivre où je lus Hélène Pilgram. Une sonnerie grêle et si usée qu'on ne l'entendait que par intermittence. Je pressai mon index le plus longtemps possible sur le bouton. La porte s'est entrouverte. Le visage d'une femme, les cheveux gris cendrés et coupés courts, est apparu dans l'entrebâillement. « Madame, c'est pour un renseignement. » Elle me fixait de ses yeux très clairs. On ne pouvait lui donner d'âge. 30, 50 ans. Votre ancien numéro n'était pas Anjou 1528 ? Elle a froncé les sourcils. Si, pourquoi ? Elle a ouvert la porte. Elle était vêtue d'une robe de chambre d'homme en soie noire. Pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que j'ai habité ici. Elle s'était avancée sur le palier et me dévisageait avec insistance. Elle a écarquillé les yeux. Mais vous êtes monsieur McEvoy ? Oui, lui dis-je à tout hasard. Entrez ! Elle paraissait vraiment émue. Nous nous tenions tous deux, l'un en face de l'autre, au milieu d'un vestibule dont le parquet était abîmé. On avait remplacé certaines lattes par des morceaux de linoléum. « Vous n'avez pas beaucoup changé ?» me dit-elle en me souriant. « Vous non plus. Vous vous souvenez encore de moi ?»« Je me souviens très bien de vous, lui dis-je. » C'est gentil. Ses yeux s'attardaient sur moi avec douceur. « Venez !» Elle me précéda dans une pièce très haute de plafond et très grande, dont les fenêtres étaient celles que j'avais remarquées de la rue. Le parquet, aussi abîmé que dans le vestibule, était recouvert par endroits de tapis de laine blanche. À travers les fenêtres, un soleil d'automne éclairait la pièce d'une lumière ambrée. « Asseyez-vous !» Elle me désigna une longue banquette recouverte de coussins de velours contre le mur. Elle s'assit à ma gauche. « C'est drôle de vous revoir d'une façon si brusque. » « Je passais dans le quartier, dis-je. » Elle me semblait plus jeune que lorsqu'elle m'était apparue dans l'entrebâillement de la porte. Pas la moindre petite rire à la commissure des lèvres, autour des yeux, ni au front, et ce visage lisse contrastait avec ses cheveux blancs. « J'ai l'impression que vous avez changé de couleur de cheveux, risquai-je. » Mais non, j'ai eu les cheveux blancs à 25 ans, j'ai préféré les garder de cette couleur. Hormis la banquette de velours, il n'y avait pas beaucoup de meubles. Une table rectangulaire contre le mur opposé, un vieux mannequin entre les deux fenêtres, le torse recouvert d'un tissu beige sale et dont la présence insolite évoquait un atelier de couture. D'ailleurs, je remarquais dans un coin de la pièce, posée sur une table, une machine à coudre. « Vous reconnaissez l'appartement ?» me demanda-t-elle. « Vous voyez, j'ai gardé des choses. » Elle eut un mouvement du bras en direction du mannequin de couturier. C'est Denise qui avait laissé tout ça. Denise. En effet, dis-je, ça n'a pas beaucoup changé. Et Denise, me demanda-t-elle avec impatience, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Eh bien, dis-je, je ne l'ai pas revue depuis longtemps. Ah bon ? Elle eut un air déçu et hocha la tête comme si elle comprenait qu'il ne fallait plus parler de cette Denise par discrétion. Au fond, lui dis-je, vous connaissiez Denise depuis longtemps ? Ben oui, je l'ai connue par Léon. Léon ? Léon Van Halen ? Ah, mais bien sûr, dis-je, impressionné par le ton qu'elle avait pris, presque un ton de reproche, quand le prénom Léon n'avait pas évoqué immédiatement pour moi ce Léon Van Halen. Qu'est-ce qui devient Léon Van Halen ? Demandai-je. Oh, ça fait 2 ou 3 ans que je n'ai plus de nouvelles de lui. Il était parti en Guyane hollandaise, à Paramaribo. Il avait créé un cours de danse là-bas. De danse ? Oui. Avant de travailler dans la couture, Léon avait fait de la danse, vous ne le saviez pas ? Si, si, mais j'avais oublié. Elle se rejeta en arrière pour appuyer son dos au mur et renoua la ceinture de sa robe de chambre. Et vous, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Oh, moi, rien. Vous ne travaillez plus à la légation de la République dominicaine ? Non. Vous vous rappelez quand vous m'avez proposé de me faire un passeport dominicain ? Vous disiez que dans la vie, il fallait prendre ses précautions et avoir toujours plusieurs passeports. Ce souvenir l'amusait. Elle a eu un rire bref. Quand avez-vous eu des nouvelles de Denise pour la dernière fois ? Lui ai-je demandé. Vous êtes parti à Megève avec elle et elle m'a envoyé un mot de là-bas et depuis plus rien. Elle me fixait d'un regard interrogatif, mais n'osait pas sans doute me poser une question directe. Qui était cette Denise ? Avait-elle joué un rôle important dans ma vie ? Figurez-vous, lui dis-je, qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans un brouillard total. J'ai des trous de mémoire, des périodes de cafard. Alors, en passant dans la rue, je me suis permis de monter pour essayer de retrouver le... Je cherchais le mot juste, vainement. Mais cela n'avait aucune importance puisqu'elle souriait et que ce sourire indiquait que ma démarche ne l'étonnait pas. Vous voulez dire pour retrouver le bon temps ? Oui, c'est ça, le bon temps. Elle prit une boîte dorée sur une petite table basse qui se trouvait à l'extrémité du divan et l'ouvrit. Elle était emplie de cigarettes. Non, merci, lui dis-je. Vous ne fumez plus ? Ce sont des cigarettes anglaises. Je me souviens que vous fumiez des cigarettes anglaises. Chaque fois que nous nous sommes vus ici, tous les trois avec Denise, vous m'apportiez un sac plein de paquets de cigarettes anglaises. Mais oui, c'est vrai. Vous pouviez en avoir tant que vous vouliez à la légation dominicaine. Je tendis la main vers la boîte dorée et saisis entre le pouce et l'index une cigarette. Je la mis à ma bouche avec appréhension. Elle me passa son briquet après avoir allumé sa cigarette à elle. Je dus m'y reprendre plusieurs fois pour obtenir une flamme. J'aspirai. Aussitôt, un picotement très douloureux me fit tousser. Je n'ai plus l'habitude, lui dis-je. Je ne savais comment me débarrasser de cette cigarette et la tenais toujours entre pouce et index tandis qu'elle se consumait. Alors, lui dis-je, vous habitez dans cet appartement maintenant. Oui, je suis de nouveau installé ici. Je me suis de nouveau installé ici quand je n'ai plus eu de nouvelles de Denise. D'ailleurs, elle m'avait dit avant son départ que je pouvais reprendre l'appartement. Avant son départ ? Mais oui, avant que vous partiez à Megève. Elle haussait les épaules comme si ce devait être pour moi une évidence. J'ai l'impression que je suis resté très peu de temps dans cet appartement. Vous y êtes resté quelques mois avec Denise. Et vous, vous habitiez ici avant nous ? Elle me regarda stupéfaite. Mais bien sûr, voyons, c'était mon appartement. Je l'ai prêté à Denise parce que je devais quitter Paris. Excusez-moi, je pensais à autre chose. Ici, c'était pratique pour Denise. Elle avait de la place pour installer un atelier de couture. Une couturière. Je me demande pourquoi nous avons quitté cet appartement, lui dis-je. Moi aussi. De nouveau, ce regard interrogatif. Mais que pouvais-je lui expliquer ? J'en savais moins qu'elle. Je ne savais rien de toutes ces choses. j'ai fini par poser dans le cendrier le mégot consumé qui me brûlait les doigts. Est-ce que nous nous sommes vus avant que nous venions habiter ici, risquai-je timidement ? Oui, deux ou trois fois, à votre hôtel. Quel hôtel ? Rue Boissy d'Anglas, l'hôtel Castille. Vous vous rappelez la chambre verte que vous aviez avec Denise ? Oui. Vous avez quitté l'hôtel Castille parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité là-bas. C'est cela, non ? Oui. C'était vraiment une drôle d'époque. Quelle époque ? Elle ne répondit pas et alluma une autre cigarette. J'aimerais vous montrer quelques photos, lui dis-je. Je sortis de la poche intérieure de ma veste une enveloppe qui ne me quittait plus et où j'avais rangé toutes les photos. Je lui montrai celle de Freddy Howard Deluce, de Gay Orlov, de la jeune femme inconnue et de moi, prise dans la salle à manger d'été. Vous me reconnaissez ? Elle s'était tournée pour regarder la photo à la lumière du soleil. Vous, vous êtes avec Denise, mais je ne connais pas les deux autres. Ainsi, c'était Denise. Vous ne connaissiez pas Freddy Howard Deluce ? Non. Ni Gay Orlov ? Non. Les gens ont décidément des vies compartimentées et leurs amis ne se connaissent pas entre eux. C'est regrettable. J'ai encore deux photos d'elle. Je lui tendis la minuscule photo d'identité et l'autre où on la voyait accoudée à la balustrade. Je connais déjà cette photo-là, me dit-elle. Je crois même qu'elle me l'avait envoyée de Megève. Mais je ne me souviens plus de ce que j'en ai fait. Je lui repris la photo des mains et la regardai attentivement. Megève. Derrière Denise, il y avait une petite fenêtre avec un volet de bois. Oui, le volet et la balustrade auraient pu être ceux d'un chalet de montagne. Ce départ pour Megève était quand même une drôle d'idée, déclarai-je brusquement. Denise, vous avez dit ce qu'elle en pensait ? Elle contemplait la petite photo d'identité. J'attendais, le cœur battant, qu'elle voulût bien me répondre. Elle releva la tête. Oui, elle m'en avait parlé. Elle me disait que Megève était un endroit sûr et que vous auriez toujours la possibilité de passer la frontière. Oui, évidemment. Je n'osais pas aller plus loin. Pourquoi suis-je si timide et si craintif au moment d'aborder les sujets qui me tiennent à cœur ? Mais elle aussi, je le comprenais à son regard, aurait voulu que je lui donne des explications. Nous restions silencieux, l'un et l'autre. Enfin, elle se décida. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Megève ? Elle me posait la question de manière si pressante que, pour la première fois, je me sentis gagné par le découragement et, même plus que le découragement, par le désespoir qui vous prend lorsque vous vous rendez compte qu'en dépit de vos efforts, de vos qualités, de toute votre bonne volonté, vous vous heurtez à un obstacle insurmontable. Je vous expliquerai un autre jour. Il devait y avoir quelque chose d'égaré dans ma voix ou dans l'expression de mon visage, puisqu'elle m'a serré le bras comme pour me consoler et qu'elle m'a dit « Excusez-moi de vous poser des questions indiscrètes, mais j'étais une amie de Denise. » Je comprends. Elle s'était levée. Attendez-moi un instant. Elle quitta la pièce. Je regardais à mes pieds les flaques de lumière que formaient les rayons du soleil sur le tapis de laine blanche. Puis les lattes du parquet et la table rectangulaire et le vieux mannequin qui avait appartenu à Denise. Se peut-il qu'on ne finisse pas par reconnaître un endroit où l'on a vécu ? Elle revenait en tenant quelque chose à la main. Deux livres, un agenda. Denise avait oublié ça en partant. Tenez, je vous les donne. J'étais surpris qu'elle n'eût pas rangé ses souvenirs dans une boîte comme l'avait fait Stiopa de Djagorieff et l'ancien jardinier de la mère de Freddy. En somme, c'était la première fois au cours de ma recherche qu'on ne me donnait pas de boîte. Cette pensée me fit rire. Qu'est-ce qui vous amuse ? Rien. Je contemplais les couvertures des livres. Sur l'une d'elles, le visage d'un Chinois avec une moustache et un chapeau melon apparaissait dans la brume bleue. Un titre, Charlie Chan. L'autre couverture était jaune et au bas de celle-ci, je remarquais le dessin d'un masque piqué d'une plume d'oie. Le livre s'appelait « Lettres anonymes ». « Qu'est-ce que Denise pouvait lire comme roman policier ?» me dit-elle. Et il y a ça aussi. Elle me tendit un petit agenda de crocodile. Merci. Je l'ouvris et le feuilletai. Rien n'avait été écrit. Aucun nom, aucun rendez-vous. L'agenda indiquait les jours et les mois, mais pas l'année. Je finis par découvrir entre les pages un papier que je dépliais. République française, préfecture du département de la Seine, extrait des minutes des actes de naissance du 13e arrondissement de Paris, année 1917. Le 21 décembre 1917, à 15h, est née, quai d'Austerlitz, 9 bis, Denise Yvette Coudreuse, du sexe féminin, de Paul Coudreuse et de Henriette Bogertz, sans profession, domiciliée comme dessus. Mariée le 3 avril 1939 à Paris, 17e, à Jimmy Pedro Stern. Pour extrait conforme, Paris, le 16 juin 1939. Vous avez vu, dis-je ? Elle jeta un regard surpris sur cet acte de naissance. Vous avez connu son mari, ce Jimmy Pedro Stern ? Denise ne m'avait jamais dit qu'elle avait été mariée. Vous le saviez, vous ? Non. J'enfonçai l'agenda et l'acte de naissance dans ma poche intérieure avec l'enveloppe qui contenait les photos. Et je ne sais pourquoi une idée me traversa, celle de dissimuler dès que je le pourrais tous ces trésors dans les doublures de ma veste. Merci de m'avoir donné ces souvenirs. Je vous en prie, monsieur McEvoy. J'étais soulagé qu'elle répétât mon nom car je ne l'avais pas très bien entendu lorsqu'elle l'avait prononcé la première fois. J'aurais voulu l'inscrire là tout de suite, mais j'hésitais sur l'orthographe. J'aime bien la manière dont vous prononcez mon nom, lui dis-je. C'est difficile pour une Française. Mais comment l'écrivez-vous ? On fait toujours des fautes d'orthographe en l'écrivant. J'avais pris un ton espiègle. Elle sourit. M-C-E, majuscule, V-O-Y, éplat-elle. En un seul mot, vous êtes bien sûr ? Tout à fait sûr, me dit-elle, comme si elle déjouait un piège que je lui tendais. Ainsi, c'était McEvoy. Bravo, lui dis-je. Je ne fais jamais de faute d'orthographe. Pedro McEvoy. Je porte un drôle de nom quand même, vous ne trouvez pas ? Il y a des moments où je n'y suis pas encore habitué. Tenez, j'allais oublier ça, me dit-elle. Elle sortit de sa poche une enveloppe. C'est le dernier petit mot que j'ai reçu de Denise. Je dépliai la feuille de papier et je lus « Megève, le 14 février. Chère Hélène, c'est décidé, nous passons demain la frontière avec Pedro. Je t'enverrai des nouvelles de là-bas le plus vite possible. En attendant, je te donne le numéro de téléphone de quelqu'un à Paris grâce auquel nous pourrons correspondre. Oleg de Vrédé, Auteuil 54-73. Je t'embrasse. Denise. » Et vous avez téléphoné ? Oui, mais on me disait chaque fois que ce monsieur était absent. Qui était ce Vrédé ? Je ne sais pas, Denise ne m'en a jamais parlé. Le soleil, peu à peu, avait déserté la pièce. Elle a allumé la petite lampe qui se trouvait sur la table basse au bout du divan. Ça me ferait plaisir de revoir la chambre où j'ai habité, lui dis-je. Mais bien sûr ! Nous longeâmes un couloir et elle ouvrit une porte à droite. « Voilà, » me dit-elle. « Moi, je ne me sers plus de cette chambre. Je dors dans la chambre d'amis. Vous savez, celle qui donne sur la cour. » Je restais dans l'encadrement de la porte. Il faisait encore assez clair. Des deux côtés de la fenêtre pendait un rideau couleur lit de vin. Les murs étaient recouverts d'un papier peint au motif bleu pâle. « Vous reconnaissez ?» me demanda-t-elle. « Oui. » Un sommier contre le mur du fond. Je vins m'asseoir au bord de ce sommier. Est-ce que je peux rester quelques minutes seul ? Bien sûr. Ça me rappellera le bon temps. Elle me jeta un regard triste et hocha la tête. Je vais préparer un peu de thé. Elle quitta la pièce et je regardai autour de moi. Dans cette chambre aussi, le parquet était abîmé et des lattes manquaient, mais on n'avait pas bouché les trous. Sur le mur opposé à la fenêtre, une cheminée de marbre blanc et une glace au-dessus, dont le cadre doré se compliquait à chaque coin d'un coquillage. Je m'étendis en travers du sommier et fixai le plafond, puis les motifs du papier peint. je collais presque mon front au mur pour mieux en discerner les détails. Scène champêtre. Jeune fille en perruque compliquée sur des escarpolettes, berger ou culotte bouffante jouant de la mandoline, futaie ou clair de lune. Tout cela ne m'évoquait aucun souvenir. Et pourtant, ces dessins avaient dû m'être familiers quand je dormais dans ce lit. Je cherchais, au plafond, au mur et du côté de la porte, un indice, une trace quelconque, sans savoir très bien quoi, mais rien n'accrochait mon regard. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé en bas. La rue était déserte et plus sombre que lorsque j'étais entré dans l'immeuble. L'agent de police se tenait toujours en faction sur le trottoir d'en face. Vers la gauche, si je penchais la tête, j'apercevais une place, déserte elle aussi, avec d'autres agents de police en faction. Il semblait que les fenêtres de tous ces immeubles absorbassent l'obscurité qui tombait peu à peu. Elles étaient noires, ces fenêtres, et on voyait bien que personne n'habitait par ici. Alors, une sorte de déclic s'est produit en moi. La vue qui s'offrait de cette chambre me causait un sentiment d'inquiétude, une appréhension que j'avais déjà connue. Ces façades, cette rue déserte, ces silhouettes en faction dans le crépuscule me troublaient de la même manière insidieuse qu'une chanson ou un parfum jadis familier. Et j'étais sûr que, souvent, à la même heure, je m'étais tenu là, immobile, à guetter, sans faire le moindre geste et sans même oser allumer une lampe. Quand je suis rentré dans le salon, j'ai cru qu'il n'y avait plus personne. Mais elle était allongée sur la banquette de velours. Elle dormait. Je me suis approché doucement et j'ai pris place à l'autre bout de la banquette. Un plateau avec une théière et deux tasses au milieu du tapis de laine blanche. J'ai tout sauté. Elle ne se réveillait pas. Alors j'ai versé du thé dans les deux tasses. Il était froid. La lampe près de la banquette laissait toute une partie de la pièce dans l'ombre. Et je distinguais à peine la table, le mannequin et la machine à coudre, ces objets que Denise avait abandonnés là. Quelles avaient été nos soirées dans cette pièce? Comment le savoir? Je buvais le thé à petites gorgées. J'entendais son souffle, un souffle presque imperceptible, mais la pièce était à ce point silencieuse que le moindre bruit, le moindre chuchotement se serait détaché avec une netteté inquiétante. À quoi bon la réveiller? Elle ne pouvait pas m'apprendre grand-chose. J'ai posé ma tasse sur le tapis de laine. J'ai fait craquer le parquet juste au moment où je quittais la pièce et m'engageais dans le couloir. À tâtons, j'ai cherché la porte, puis la minuterie de l'escalier. J'ai refermé la porte le plus doucement possible. À peine avais-je poussé l'autre porte au carreau vitré pour traverser l'entrée de l'immeuble, que cette sorte de déclic que j'avais éprouvé en regardant par la fenêtre de la chambre s'est produit à nouveau. L'entrée était éclairée par un globe au plafond qui répandait une lumière blanche. Peu à peu, je m'habituais à cette lumière trop vive. Je restais là, à contempler les murs gris et les carreaux de la porte qui brillaient. Une impression m'avait traversé. Comme ces lambeaux de rêves fugitifs que vous essayez de saisir au réveil pour reconstituer le rêve entier. Je me voyais marchant dans un Paris obscur et poussant la porte de cet immeuble de la rue Cambacérès. Alors, mes yeux étaient brusquement éblouis et pendant quelques secondes, je ne voyais plus rien tant cette lumière blanche de l'entrée contrastait avec la nuit du dehors. À quelle époque cela remontait-il? Du temps où je m'appelais Pedro McEvoy et où je rentrais ici chaque soir? Est-ce que je reconnaissais l'entrée, le grand paillasson rectangulaire, les murs gris, le globe au plafond cerné d'un anneau de cuivre? Derrière les carreaux vitrés de la porte, je voyais le départ de l'escalier que j'ai eu envie de monter lentement pour refaire les gestes que je faisais et suivre mes anciens itinéraires. Je crois qu'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu. Quelque chose continue de vibrer après leur passage. Des ondes de plus en plus faibles, mais que l'on peut capter si l'on est attentif. Au fond, je n'avais peut-être jamais été ce Pedro McEvoy. Je n'étais rien. Mais des ondes me traversaient, tantôt lointaines, tantôt plus fortes. Et peu à peu, tous ces échos épars qui flottaient dans l'air se cristallisaient. Et c'était moi. Vous écoutez France Culture, une émission spéciale consacrée à Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Ce soir, sur France Culture, dans cette soirée de fiction, Georges Clès lisait en public pour le Marathon des mots de Toulouse en 2012 le 11e chapitre de Rue des boutiques obscures, un roman pour lequel Patrick Modiano avait reçu le prix Goncourt. À travers cette journée spéciale, nous entrons dans toute une vie d'écriture. Patrick Modiano dit dans un entretien « La vocation du romancier, c'est de trouver un mystère à ce qui paraît quotidien. » Entrons un peu plus dans ce mystère avec la lecture par Samy Fray de Dora Bruder, un roman publié en 1997. Nous avions enregistré cette lecture en public au 104 rue d'Aubervilliers à l'occasion du festival Paris en toutes lettres. Les extraits ont été choisis par l'écrivain Hervé Prudhon. Il y a 8 ans, dans un Paris soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé sur une rubrique d'hier à aujourd'hui, au bas de laquelle j'ai lu « On recherche une jeune fille », Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Je le connais depuis longtemps, ce quartier du boulevard Ornano. Dans mon enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen. L'hiver 1965, j'avais une amie qui habitait rue Championnet, Ornano 49-20. Le dernier café au bout du boulevard d'Ornano, Ornano, s'appelait Verse Toujours. À gauche, au coin du boulevard Ney, il y en avait un autre avec un jukebox. J'en vois encore la lumière de la bouche du métro Simplon. Et presque en face d'elle, celle de l'entrée du cinéma Ornano 43. L'immeuble du 41, précédant le cinéma, n'avait jamais attiré mon attention. Je ne savais rien de Dora Bruder. Avant la guerre et jusqu'au début des années 50, le 41 boulevard Ornano était un hôtel, ainsi que le 39, qui s'appelait l'Hôtel du Lion d'Or. Au 39 également, avant la guerre, un café-restaurant tenu par un certain Gazal. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'hôtel du 41. Au début des années 50, figure à cette adresse, comme avant la guerre, un café dont le patron s'appelait Marshall. Ce café n'existe plus. J'ai fini par savoir que Dora Bruder et ses parents habitaient déjà à l'hôtel du boulevard Ornano dans les années 1937 et 1938. Ils occupaient une chambre avec cuisine au 5e étage. Dora Bruder devait être inscrite dans l'une des écoles communales du quartier. J'ai écrit une lettre au directeur de chacune d'elles en lui demandant s'il pouvait retrouver son nom sur les registres. 8 rue Ferdinand Flocon, 20 rue Hermel, 7 rue Championnet, 61 rue de Clignancourt. Ils m'ont répondu gentiment, mais aucun n'avait retrouvé ce nom. J'ai mis 4 ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, le 25 février 1926. Et 2 ans ont encore été nécessaires pour connaître le lieu de cette naissance, Paris, 12e arrondissement. Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. Un vendredi après-midi de février 1996, je suis allé à la mairie du 12e arrondissement, service de l'état civil. Le préposé de service m'a tendu une fiche que je devais remplir. Demandeur au guichet, mettez votre nom, prénom, adresse. Je demande la copie intégrale d'acte de naissance concernant nom Bruder, prénom Dora. Date de naissance, 25 février 1926. Cochez si vous êtes l'intéressé demandeur, le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, le fils ou la fille, le conjoint ou la conjointe, le représentant légal. Vous avez une procuration plus une carte d'identité de l'intéressé. En dehors de ces personnes, il ne sera pas délivré de copie d'acte de naissance. Après avoir consulté ma fiche, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner de la copie intégrale d'acte de naissance parce que je n'avais aucun lien de parenté avec cette personne. Il m'a conseillé de demander une dérogation au palais de justice, 2 boulevards du palais, 3e section de l'état civil, 5e étage, escalier 5, bureau 501, du lundi au vendredi de 14h à 16h. Aux 2 boulevards du palais, un planton m'a signifié brutalement de faire la queue avec les touristes qui allaient visiter la Sainte-Chapelle. Après cette attente, j'ai traversé une cour, je me suis engagé dans un couloir et j'ai débouché dans un hall très vaste où marchaient des hommes et des femmes dont quelques-uns portaient des robes d'avocat. Je n'osais pas leur demander par où l'on accédait à l'escalier 5. Un gardien assis derrière une table m'a indiqué l'extrémité du hall et là, j'ai pénétré dans une salle déserte dont les fenêtres en surplomb laissaient passer un jour grisâtre. J'avais beau arpenter cette salle, je ne trouvais pas l'escalier 5. J'étais pris de panique. J'ai monté un escalier anonyme. On m'a indiqué le bureau qui portait le numéro 501. Une femme, à l'air indifférent, m'a demandé ce que je voulais. D'une voix sèche, elle m'a expliqué que pour obtenir cet extrait d'acte de naissance, il fallait écrire à monsieur le procureur de la République, parquet de grande instance de Paris, 14 quai des Orfèvres, 3e section B. Au bout de 3 semaines... j'ai obtenu une réponse. Le 25 février 1926, 21h10, est né rue Santerre 15, Dora, de sexe féminin, de Ernest Bruder, né à Vienne, Autriche, le 21 mai 1899, manœuvre, et de Cécile Bourdège, né à Budapest, Hongrie, le 17 avril 1907, sans profession. Son épouse, domiciliée à Sevran-Seine-et-Oise, avenue Liégeard 2, dressée le 27 février 1926, 15h30, sur la déclaration de Gaspard Maillère, 73 ans, employé et domicilié rue de Picpus, 76, ayant assisté à l'accouchement, qui, lecture faite, a signé avec nous Auguste Guillaume Rossi, adjoint au maire du 12e arrondissement de Paris. Le 15 de la rue Santerre et l'adresse de l'hôpital Rothschild. Dans le service maternité de celui-ci sont nés à la même époque que Dora de nombreux enfants de familles juives pauvres qui venaient d'immigrer en France. Il semble qu'Ernest Bruder n'ait pas pu s'absenter de son travail pour venir déclarer lui-même sa fille. Si c'est Gaspard Maillère qui a signé au bas de l'acte de naissance, c'est que le 76 rue de Picpus, où il était employé et domicilié, était l'adresse de l'hospice de Rothschild créé pour les vieillards et les indigents. Les traces de Dora Bruder et de ses parents, cet hiver de 1926, se perdent dans la banlieue nord-est. Je crains que là-bas, les maisons et les rues aient changé d'aspect, comme dans toutes les banlieues. La rue Liégeard, où habitaient les parents de Dora, faisait partie d'un quartier partagé entre Sevran, Livry-Gargan et Aulnay-sous-Bois, et que l'on appelait Frainville, parce qu'il s'était bâti autour de l'usine de frein Westinghouse. Ernest Bruder Le père de Dora était sûrement cet hiver de 1926 manœuvre chez Westinghouse. Il était né à Vienne, en Autriche, le 21 mai 1899. Il avait dû passer son enfance à Leopoldstadt, le quartier juif. Il eut 20 ans en 1919, quand des dizaines de réfugiés fuyant la Bucovine ou l'Ukraine arrivaient par vagues successives et s'entassaient dans des taudis. Sur une fiche, parmi des milliers d'autres établies une vingtaine d'années plus tard pour organiser les rafles de l'occupation, il est indiqué qu'Ernest Broder a été deuxième classe légionnaire français. Lyautey avait besoin de 30 000 soldats au Maroc pour pacifier les territoires encore insoumis. J'essaye de reconstituer son périple. Marseille, le Fort Saint-Jean, la traversée, tout de suite les marches interminables sous un soleil de plomb, ensuite les casernes de Meknès, de Fès ou de Marrakech, et les combats, avril 1920, Bekrit et le Ras Tachara, juin 1921, le Djebel Hayyan, mai 1922, Tizi Adni, mai 1923, engagement très dur à Bab Breda, que les légionnaires du commandant Nejlin enlèvent sous un feu intense. Combat de l'Oued Hatia, où le bataillon de légion barrière doit charger deux fois à la baïonnette. La petite fiche d'Ernest Broder indique aussi mutilé de guerre, 100%. À 25 ans, il se retrouve sur le pavé de Paris. On a dû le libérer de son engagement à cause de sa blessure. Je suppose qu'il n'en a parlé à personne. Et cela n'intéressait personne. Je suis même certain qu'il n'a pas touché de pension d'invalidité. On ne lui a pas donné la nationalité française. La seule fois où j'ai vu mentionner sa blessure, c'était dans l'une des fiches de police qui servait aux raves de l'occupation. En 1924, Ernest Broder se marie avec une jeune fille de 17 ans, Cécile Bourdège, née le 17 avril 1907 à Budapest, dans une famille juive originaire de Russie, qui a fini par échouer à Paris en 1923 à l'asile israélite de la rue Lamarque. Dans le mois de leur arrivée, trois des filles, âgées de 14 ans, de 12 ans et de 10 ans, sont mortes de la fièvre typhoïde. Cécile et Ernest Broder sont des personnes qui laissent peu de traces derrière elles. Elles ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages de banlieue. Ce que l'on sait d'elles se résume souvent à une simple adresse, et cette précision topographique contraste avec ce que l'on ignorera pour toujours de leur vie. J'ai retrouvé une nièce d'Ernest et de Cécile Broder. Je lui ai parlé au téléphone. Elle se rappelle la douceur de son oncle. Elle a entendu dire qu'avant d'habiter l'hôtel du boulevard Ornano, Ernest, Cécile et leur fille Dora avaient vécu dans un autre hôtel, une rue qui donnait dans la rue des Poissonniers. Je regarde le plan, je lui cite les rues au fur et à mesure. Oui, c'était la rue Polonceau. Deux hôtels à cette époque, rue Polonceau, l'un au 49, était détenu par un dénommé Rouquette. Le second, au 32, avait pour patron un certain Charles Campazzi. Ces hôtels ne portaient pas de nom. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Les années se sont écoulées, porte de Clignancourt jusqu'à la guerre. Je ne sais rien d'eux au cours de ces années. D'après sa nièce, Cécile Broder travaillait comme ouvrière fourreuse. Et sur la fiche d'Ernest Broder, où j'ai lu « Mutilé de guerre 100%, deuxième classe, légionnaire français », il est écrit à côté du mot « profession » 100. Ses parents emmenaient Dora au cinéma Ornano 43, ou bien y allait-elle toute seule ? D'après sa cousine, elle était indépendante, cavaleuse. Le quartier, par moments, ressemblait à un village. Le soir, les voisins disposaient les chaises sur les trottoirs et bavardaient entre eux. Des forains passaient avec quelques chèvres et vendaient un grand verre de lait pour 10 sous. Entre les blocs d'immeubles du boulevard Ney et le marché aux puces s'étendait tout un quartier de baraques, de hangars, d'acacias et de maisons basses que l'on a détruits. Vers 14 ans, ce terrain vague m'avait frappé. J'ai cru le reconnaître sur des photos prises l'hiver, une sorte d'esplanade où l'on voit passer un autobus, un camion qu'on dirait pour toujours à l'arrêt, un champ de neige au bord duquel attendent une roulotte et un cheval noir, et tout au fond, la masse brumeuse des immeubles. Le 9 mai 1940, Dora Bruder, à 14 ans, est inscrite dans un internat religieux. L'œuvre du Saint-Cœur de Marie, que dirigent les sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde aux 60 et 62 rue Picpus, dans le 12e arrondissement. Le registre de l'internat porte les mentions suivantes, nom et prénom Bruder Dora, date et lieu de naissance 25 février 1926, Paris 12e, de Ernest et Cécile Bourdège, père et mère, situation de famille, enfant légitime, date et conditions d'admission, 9 mai 1940, pension complète, date et motif de sortie, 14 décembre 1941, suite de fugue. Je me demande pourquoi Ernest et Cécile Bruder ont inscrit leur fille dans une institution chrétienne. Sans doute ont-ils jugé qu'elle avait besoin de discipline et qu'une école tenue d'une main ferme lui serait profitable. Puis avait-il le choix, matériellement? Les élèves au pensionnat du Saint-Cœur de Marie étaient des filles d'origine modeste, des enfants souvent privés de famille ou relevant de cas sociaux, nous dit-on, ceux pour qui le Christ a toujours manifesté sa préférence. Débâcle de juin 40. Les 500 élèves et les 75 sœurs quittent Paris et se réfugient en Maine-et-Loire. Juillet, retour à Paris. La vie d'internat. Je devine les horaires. Levé vers 6 heures, chapelle, salle de classe, réfectoire, salle de classe, cours de récréation, réfectoire, salle de classe, chapelle, dortoir, sortie, les dimanches. Je suppose qu'entre ces murs, la vie était dure pour ces filles, à qui le Christ avait toujours manifesté sa préférence. Les bâtiments du Saint-Cœur de Marie n'existent plus. Leur ont succédé des immeubles récents qui laissent supposer que le pensionnat occupait un vaste terrain. Sur un vieux plan, en face du pensionnat, se succèdent la congrégation de la Mère de Dieu, puis les Dames de l'Adoration et l'oratoire de Picpus avec le cimetière où sont enterrées dans une fosse commune plus de 1000 victimes qui ont été guillotinées pendant les derniers mois de la Terreur. Sur le même trottoir que le pensionnat, le grand terrain des Dames de Sainte-Clotilde, puis les dames diaconesses. Ces endroits où l'on vous enfermait sans que vous sachiez très bien si vous en sortiriez un jour portaient de drôles de noms. Bon pasteur, refuge, asile, solitude. La supérieure du Saint-Cœur de Marie s'appelait Mère Marie Jean-Baptiste. Elle était née en 1903 et avait donc à peine 40 ans lorsque Dora Bruder y fut pensionnaire. Elle est morte en 1985, 3 ans avant que je connaisse l'existence de Dora Bruder. Elle devait certainement se souvenir d'elle, mais qu'aurait-elle pu m'apprendre? Elle n'a certainement pas deviné ce qui se passait dans la tête de Dora, ni comment celle-ci vivait sa vie de pensionnaire, ni la manière dont elle voyait chaque matin et chaque soir la chapelle, le mur du jardin et la rangée des lits du dortoir. L'été 1940 est passé pour Dora au pensionnat de la rue de Picpus et l'automne est venu. À Paris, les journaux du 2 octobre ont publié l'ordonnance selon laquelle les Juifs doivent se faire recenser. Ernest Bruder est allé remplir le formulaire au commissariat du quartier Clignancourt, mais il n'a pas déclaré sa fille. On donnait à chacun de ceux qui se faisaient recenser un numéro matricule qui plus tard figurerait sur son dossier, sur son fichier familial. Cela s'appelait le numéro de dossier juif. Ernest et Cécile Brouder avaient le numéro de dossier juif 49091. Mais Dora n'en avait aucun. Peut-être Ernest Brouder a-t-il jugé qu'elle était hors d'atteinte dans une zone franche entre les murs du pensionnat du Saint-Cœur de Marie et qu'il ne fallait pas attirer l'attention sur elle. Et que, pour Dora, à 14 ans, cette catégorie juif ne voulait rien dire. Au fond, qu'est-ce qu'ils entendaient exactement par le mot juif ? Il est écrit sur le registre de l'internat au nom de Dora Brouder et à la rubrique « Date et motif de sortie » 14 décembre 1941, suite de fugue. C'était un dimanche. Je suppose qu'elle avait profité de ce jour de sortie pour aller voir ses parents et que le soir, elle n'était pas revenue au pensionnat. Ce dernier mois de l'année fut la période la plus noire, la plus étouffante que Paris ait connue depuis le début de l'occupation. Les Allemands décrétèrent, du 8 au 14 décembre, le couvre-feu à partir de 6 heures du soir, en représailles à 2 attentats. Puis il y eut la rafle de 700 juifs français le 12 décembre. Le 15 décembre, l'amende de 1 milliard de francs imposée aux juifs. Et le matin du même jour, les 70 otages fusillés au Mont-Valérien. Le 10 décembre, une ordonnance du préfet de police invitait les juifs français et étrangers de la Seine à se soumettre à un contrôle périodique en présentant leur carte d'identité avec le cachet juif ou juive. Leur changement de domicile devait être déclaré au commissariat dans les 24 heures et il leur était interdit de se déplacer hors du département de la Seine. Dès le 1er décembre, à la suite d'un attentat à la bombe, rue Championnet, tout près de l'hôtel d'Ernest et Cécile Brouder, les Allemands avaient prescrit un couvre-feu dans le 18e arrondissement. Celui-ci, à peine levé, ils en ordonnèrent un autre dans tout le 10e arrondissement, après que des inconnus eurent tiré des coups de revolver sur un officier des autorités d'occupation, boulevard Magenta. Puis ce fut le couvre-feu général du 8 au 14 décembre, le dimanche de la fugue de Dora. À quel moment de la journée les sœurs de la Miséricorde se sont-elles aperçues de son absence ? Le soir, certainement, après le salut à la chapelle. Je suppose que la supérieure a essayé de joindre les parents de Dora. Savait-elle qu'ils étaient juifs ? La notice biographique de la supérieure dit que de nombreux enfants de familles juives persécutées trouvèrent refuge au Saint-Cœur de Marie grâce à l'action charitable et audacieuse de sœur Marie-Jean-Baptiste, aidée par l'attitude discrète et non moins courageuse de ses sœurs. Mais ce n'est qu'à partir de juillet 1942, à la suite de la Grande Rafle, que les institutions religieuses cachèrent des enfants juifs et Dora était entrée au Saint-Cœur de Marie en mai 1940. Elle avait passé un an et demi au Saint-Cœur de Marie, en étant sans doute la seule élève d'origine juive du pensionnat. Longtemps, je n'ai rien su de Dora Brouder, après sa fugue du 14 décembre et l'avis de recherche qui avait été publié dans Paris Soir. Puis, j'ai appris qu'elle avait été internée au camp de Drancy, 8 mois plus tard, le 13 août 1942. Sur sa fiche, il était indiqué qu'elle venait du camp des Tourelles. Ce 13 août 1942, 300 juives avaient été transférées du camp des Tourelles à celui de Drancy. Le centre d'internement des Tourelles occupait les locaux d'une ancienne caserne d'infanterie coloniale, au 141 boulevard Mortier, à la porte des Lilas. Il avait été ouvert en octobre 1940 pour y interner des juifs étrangers en situation dite irrégulière. Mais quand, à partir de 1941, les hommes sont envoyés directement à Drancy ou dans les camps du Loiret, seules les femmes juives qui auront contrevenu aux ordonnances allemandes seront internées aux tourelles, ainsi que des communistes et des droits communs. À quel moment et pour quelle raison Dora Bruder avait-elle été envoyée aux tourelles? Alors, j'ai fini par avoir la certitude que c'était en ce glacial et lugubre mois de février où la police des questions juives tendait des traquenards dans les couloirs du métro, à l'entrée des cinémas ou à la sortie des théâtres, que Dora s'était fait prendre. Il me paraissait même étonnant qu'une fille de 16 ans, dont la police savait qu'elle avait disparu en décembre et connaissait le signalement, ait pu échapper aux recherches pendant tout ce temps, à moins d'avoir trouvé une planque. Mais laquelle ? Dans ce Paris de l'hiver 1941-1942, qui fut le plus ténébreux et le plus dur hiver de l'occupation, avec, dès le mois de novembre, des chutes de neige, une température de moins 15 en janvier, l'eau gelée partout, le verglas, la neige de nouveau en grande abondance au mois de février. Comment faisait-elle pour survivre dans ce Paris-là? Je me demande ce qu'elle a pu faire le 14 décembre 1941, dans les premiers moments de sa fugue. Peut-être a-t-elle décidé de ne pas rentrer au pensionnat juste à l'instant où elle arrivait devant le porche de celui-ci, et a-t-elle erré à travers le quartier jusqu'à l'heure du couvre-feu. Au bout de la petite rue ombragée d'arbres qui longe l'enceinte du 5 heures de Marie, c'est la gare aux marchandises et plus loin, la gare de Lyon. Les voies ferrées de celle-ci passent à quelques centaines de mètres du pensionnat où était enfermée Dora Bruder. J'ignore si elle entendait, dans le silence des nuits de blackout, le fracas des trains de marchandises ou ceux qui partaient pour la zone libre. Elle connaissait sans doute ces deux mots trompeurs, zone libre. La main courante du commissariat de police du quartier Clignancourt porte ses indications à la date du 27 décembre 1941, sous les colonnes « Date et direction, état civil, résumé de l'affaire ». 27 décembre 1941, Bruder, Dora, née le 25-26 à Paris 12e, demeurant 41 boulevard Ornano, audition Bruder Ernest, 42 ans, père. Le commissariat du quartier Clignancourt occupait le 12 de la rue Lambert, derrière la butte Montmartre, et son commissaire s'appelait Siri. Et il est probable qu'Ernest Bruder soit allé au commissariat d'arrondissement 74 rue du Mont-Cenis, à côté de la mairie, qui était plus proche de son domicile. Là, le commissaire s'appelait Cornec. Dora avait fait sa fugue 13 jours auparavant, et Ernest Bruder avait attendu jusque-là pour se rendre au commissariat et signaler la disparition de sa fille. On imagine son angoisse et ses hésitations au cours de ces 13 longues journées. Il n'avait pas déclaré Dora au recensement d'octobre 1940 à ce même commissariat, et les policiers risquaient de s'en apercevoir. En essayant de la retrouver, il attirait l'attention sur elle. Le procès verbal de l'audition d'Ernest Bruder ne figure pas aux archives de la préfecture de police. Sans doute détruisait-on ce genre de documents à mesure qu'il devenait caduc. Quelques années après la guerre, d'autres archives des commissariats ont été détruites, comme ces registres spéciaux ouverts en juin 1942, la semaine où les Juifs ont reçu leurs 3 étoiles jaunes par personne, à partir de l'âge de 6 ans. On ne saura jamais à quelle question a répondu Ernest Bruder au sujet de sa fille et de lui-même. Peut-être est-il tombé sur un fonctionnaire de police pour lequel il s'agissait d'un travail de routine comme avant la guerre et qui ne faisait aucune différence entre Ernest Bruder, sa fille et de simples Français. Est-ce le policier qui a conseillé à Ernest Bruder de passer une annonce dans Paris Soir, étant donné que 2 semaines s'étaient déjà écoulées depuis que Dora avait disparu? Ou bien un employé du journal, chargé des chiens écrasés et de la tournée des commissariats, a-t-il glané au hasard cet avis de recherche pour la rubrique d'hier à aujourd'hui? Je pense à Dora. Tout lui était hostile. Dans ce Paris de décembre 1941, le couvre-feu, les soldats, la police, tous voulaient sa perte. À 16 ans, elle avait le monde entier contre elle, sans qu'elle sache pourquoi. D'autres rebelles dans le Paris de ces années-là et dans la même solitude que Dora Bruder balançaient des grenades sur les Allemands, sur leurs convois et leurs lieux de réunion. Ils avaient le même âge qu'elle. Les visages de certains d'entre eux figurent sur l'affiche rouge. Et je ne peux m'empêcher de les associer dans mes pensées à Dora. Ernest Bruder a été arrêté le 19 mars 1942, ou plus exactement interné au camp de Drancy ce jour-là. Des motifs et des circonstances de cette arrestation, je n'ai trouvé aucune trace. En sa qualité de juif ex-autrichien, Ernest Bruder aurait pu être arrêté lors de la rafle d'août 1941. Sa fiche indique qu'il était recherché. Mais à partir de quand ? S'il était déjà recherché le 27 décembre 1941, le jour où il avait signalé la disparition de Dora au commissariat du quartier Clignancourt, les policiers ne l'auraient pas laissé repartir. Un père essaye de retrouver sa fille, signale sa disparition dans un commissariat et un avis de recherche est publié dans un journal du soir. Mais ce père est lui-même recherché. Il n'y a aucun recours. Ceux qui sont chargés de vous chercher et de vous retrouver établissent des fiches pour mieux vous faire disparaître ensuite, définitivement. À la date du 17 avril 1942, la main courante du commissariat de Clignancourt porte cette inscription sous les colonnes habituelles date et direction état civil résumé de l'affaire 17 avril 1942 2098-15-24 P mineur affaire Bruder Dora âgé de 16 ans disparu suite PV 1917 a réintégré le domicile maternel. Je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres 2098 et 15-24, P mineur, cela doit être protection des mineurs. À peine trois lignes donc au sujet de l'affaire Bruder-Dora. Les notes qui suivent dans la main courante du 17 avril concernent d'autres affaires. Gaulle, Georgette Paul, 37-23, née à Pantin, Seine, de Georges et Pels Rose, célibataire, vit en hôtel, 41 rue Pigalle, prostitution. Ainsi se succèdent dans les mains courantes des commissariats de l'occupation prostituées, chiens perdus, enfants abandonnés et, comme l'était Dora, adolescentes disparues et coupables du délit de vagabondage. Apparemment, il n'est jamais question de juifs. Et pourtant, ils passèrent dans ces commissariats avant d'être conduits au dépôt, puis à Drancy. Il n'y a aucune trace de Dora entre le 14 décembre 1941, le jour de sa fugue, et le 17 avril 1942, où elle réintègre le domicile maternel, c'est-à-dire la chambre d'hôtel du 41 boulevard Ornano. Pendant ces quatre mois, on ignore où Dora Bruder était, ce qu'elle a fait, avec qui elle se trouvait. Et l'on ignore aussi dans quelles circonstances elle est revenue au domicile maternel. Jusqu'à ce jour, je n'ai trouvé aucun indice, aucun témoin qui aurait pu m'éclairer sur ces quatre mois d'absence. Le seul moyen de ne pas perdre tout à fait Dora Bruder au cours de cette période, ce serait de rapporter les changements du temps. La neige était tombée la première fois le 4 novembre 1941. L'hiver avait commencé par un froid vif le 22 décembre. Le 29 décembre, la température avait encore baissé et les carreaux des fenêtres étaient couverts de glace. À partir du 13 janvier, le froid était devenu sibérien. Cela avait duré environ 4 semaines. Le 12 février, Il y avait un peu de soleil. Une couche de neige devenue noirâtre et boueuse recouvrait les trottoirs. Le 22 février, la neige était tombée de nouveau. Le 25 février, elle tombait encore, plus abondante. Le 3 mars, après 9 heures du soir, le premier bombardement de la banlieue. À Paris, les vitres tremblaient. Le 13 mars, les sirènes s'étaient déclenchées en plein jour pour une alerte. Les voyageurs du métro étaient restés immobilisés pendant 2 heures. On les avait fait descendre dans le tunnel. Le 15 mars, il y eut un beau soleil. Le 28 mars, vers 10 heures du soir, un bombardement lointain a duré jusqu'à minuit. Le 2 avril, une alerte vers 4 heures du matin et un bombardement violent jusqu'à 6 heures. De nouveau un bombardement à partir de 11 heures du soir. Le 4 avril, les bourgeons avaient éclaté dans les feuillages des marronniers. Le 5 avril, vers le soir, un orage de printemps est passé avec de la grêle, puis il y eut un arc-en-ciel. J'ai pu obtenir, il y a quelques mois, une photo de Dora Bruder. Je ne sais pas à quelle date a été prise cette photo. Certainement en 1941, l'année où Dora était pensionnaire aux 5 heures de Marie, ou bien au début du printemps 1942, quand elle est revenue après sa fugue de décembre, boulevard Ornano. Elle est en compagnie de sa mère et de sa grand-mère maternelle. Les trois femmes sont côte à côte, la grand-mère entre Cécile Bruder et Dora. Cécile Bruder porte une robe noire et les cheveux courts, la grand-mère une robe à fleurs. Les deux femmes ne sourient pas. Dora est vêtue d'une robe noire ou bleu marine et d'une blouse à col blanc. Mais cela pourrait être aussi un gilet et une jupe. La photo n'est pas assez nette pour s'en rendre compte. Elle porte des bas et des chaussures à brides. Ses cheveux mi-longs lui tombent presque jusqu'aux épaules et sont ramenés en arrière par un serre-tête. Son bras gauche est le long du corps, avec les doigts de la main gauche repliés, et le bras droit caché par sa grand-mère. Elle tient la tête haute, ses yeux sont graves, mais il flotte sur ses lèvres l'amorce d'un sourire. Et cela donne à son visage une expression de douceur triste et de défi. Les trois femmes sont debout, devant le mur, le sol est dallé, comme le couloir d'un lieu public. Qui a bien pu prendre cette photo? Ernest Bruder? Et s'il ne figure pas sur cette photo, cela veut-il dire qu'il a déjà été arrêté? En tout cas, il semble que les trois femmes aient revêtu des habits du dimanche face à cet objectif anonyme. Dora porte-t-elle la jupe bleu marine indiquée sur l'avis de recherche? On se demande pourquoi la foudre frappe certains plutôt que d'autres. Je pense à Frido Lempe, qui était un écrivain allemand dont le titre d'un des livres m'avait attiré, Au bord de la nuit. Ce nom et ce titre m'évoquaient les fenêtres éclairées dont vous ne pouvez détacher le regard. Vous vous dites que derrière elle, il n'y a plus personne, sauf une lampe qui est restée allumée dans l'appartement vide. Ce qui intéressait Frido Lempe, c'était de décrire le port de Brême, la lumière des lampes à arc, les matelots, les catcheurs, les orchestres, la sonnerie des trams, le pont de chemin de fer, la sirène du steamer, tous ces gens qui se cherchent dans la nuit. Son roman, paru en 1933, fut retiré des librairies et mis au pilon et son auteur déclaré suspect. Il n'était même pas juif. Mais on lui reprochait la grâce et la mélancolie de son livre. Le 2 mai 1945, dans la banlieue de Berlin, deux soldats russes lui ont demandé ses papiers et l'ont abattu dans un jardin, sans prendre le temps de faire la différence entre les gentils et les méchants. Un ami a trouvé, il y a 2 mois, dans les archives du Yivo Institute à New York, ce document parmi tous ceux de l'Union générale des Israélites de France, organisme créé pendant l'occupation, le 17 juin 1942, note pour Mademoiselle Salomon, Dora Bruder a été remise à sa mère le 15 courant par les soins du commissariat de police du quartier Clignancourt. En raison de ses fugues successives, il paraîtrait indiqué de la faire admettre dans une maison de redressement pour l'enfance. Du fait de l'internement du père et de l'état d'indigence de la mère, les assistantes sociales de la police, quai de Gesvres, feraient le nécessaire si on le leur demandait. Ainsi, Dora Bruder, après son retour au domicile maternel le 17 avril 1942, a de nouveau fait une fugue. Depuis, le 7 juin, les Juifs étaient astreints au port de l'Étoile jaune. Je doute que Dora Bruder, de caractère rebelle, la porta. Alors, s'est-elle fait arrêter dans la rue parce qu'elle ne portait pas l'étoile ? Des centaines d'adolescents comme Dora furent arrêtés dans la rue en ce mois de juin et passèrent par le dépôt de Drancy, avant Auschwitz. Mais selon la note pour Mademoiselle Salomon, Dora Bruder a été remise à sa mère. Cela veut dire qu'au commissariat de Clignancourt, ils n'ont pas fait de différence entre Dora et n'importe quelle jeune fille fugueuse. Je n'ai pas retrouvé la trace de cette Mademoiselle Salomon. Apparemment, elle travaillait à l'UJIF, l'Union Générale des Israélites de France, un organisme qui joue un rôle d'assistance pour un grand nombre de Juifs, mais avait une origine ambiguë puisqu'il fut créé à l'initiative des Allemands, qui pensaient qu'un tel organisme, sous leur contrôle, faciliterait leur dessein, à la façon des Judenrat, qu'ils avaient établi en Pologne. La plupart des Juifs qui vivaient en état d'extrême précarité faisaient appel à l'UJIF, et c'est sans doute ce qu'a fait Cécile Bruder. C'était aussi pour elle le seul moyen d'avoir des nouvelles de son mari interné depuis mars au camp de Drancy. Je me demande ce qui s'est passé pour Dora entre le 15 juin, quand elle se trouve au commissariat du quartier Clignancourt, et le 17 juin, le jour de la note pour Mademoiselle Salomon. Si elle a quitté le commissariat avec sa mère, cela veut dire qu'on est venu la rechercher, 3 jours plus tard, après que Mademoiselle Salomon eut pris contact avec les assistantes sociales de la police, quai de Gesvres. Mais j'ai peine à imaginer Dora et sa mère marchant bras dessous le long de la rue Hermel jusqu'à leur chambre d'hôtel comme si c'était un jour ordinaire. Je crois que le 15 juin, dans ce commissariat de police de Clignancourt, face aux policiers, aux assistantes sociales de la préfecture, aux ordonnances allemandes et aux lois françaises, Cécile Bruder s'est sentie bien vulnérable, avec son étoile jaune, son mari interné au camp de Drancy et son état d'indigence. Et bien désemparée face à sa fille Dora, que Mademoiselle Salomon conseillait de faire admettre en maison de redressement. Peut-être Dora a-t-elle été emmenée du commissariat de Clignancourt au dépôt de la préfecture de police, comme il était d'usage. Alors elle a connu la grande salle à soupirail, les cellules, les paillasses sur lesquelles s'entassaient pêle-mêle les juives, les prostituées, les droits communs, les politiques. Elle a connu les punaises, l'odeur infecte et les gardiennes, ces effrayantes religieuses vêtues de noir, avec leurs petits voiles bleus et desquelles il ne fallait attendre aucune miséricorde. Ou bien l'a-t-on conduite directement quai de Gesvres, permanence de 9h30 à 12h. En tout cas, le 19 juin 1942, elle a dû monter dans une voiture cellulaire où se trouvaient déjà 5 autres filles de son âge. La voiture les a menées jusqu'au centre d'internement des Tourelles, boulevard Mortier, à la porte des Lilas. Pour l'année 1942, il existe un registre des Tourelles. Sur la couverture de celui-ci est écrit « Femmes ». Y sont consignés les noms des internés au fur et à mesure de leur arrivée. Il s'agissait de femmes arrêtées pour faits de résistance, de communistes et jusqu'en août 1942 de juives qui avaient commis une infraction aux ordonnances allemandes. Défense de sortir après 8 heures du soir, port de l'étoile jaune, défense d'utiliser un téléphone, d'avoir un vélo, un poste de TSF. À la date du 19 juin 1942, on lit sur le registre « Entrée 19 juin 1942, 439 19 6 42 5 E, Broder Dora, Paris 12e, Française, 41 boulevard Ornano, JXX Drancy, le 13-8 42. Les noms qui suivent ce jour-là sont ceux de cinq autres filles, toutes de l'âge de Dora. Claudine Winnerbett, Zélie Strolitz, Raka Israelovitch, Marthe Nachmanovitch, Yvonne Pitoun. Les gendarmes leur donnaient à chacune un numéro matricule. À Dora, le numéro 439. J'ignore le sens du chiffre 5E. La lettre J voulait dire juive. Drancy, le 13-8-42, a été rajouté chaque fois. Les 300 femmes juives qui étaient encore internées aux tourelles furent transférées le 13 août 1942 au camp de Drancy. Ce jeudi 19 juin, le jour où Dora est arrivée aux tourelles, on avait fait rassembler toutes les femmes dans la cour de la caserne. Trois officiers allemands étaient présents. On a donné l'ordre aux juives de 18 à 42 ans de se mettre sur un rang, le dos tourné. L'un des Allemands avait déjà la liste complète de celles-ci et les appelait au fur et à mesure. Les autres sont remontés dans leur chambrée. Les 66 femmes que l'on avait ainsi séparées ont été enfermées dans une grande pièce vide, sans un lit, sans un siège. Elles sont restées isolées pendant 3 jours, les gendarmes se tenant en faction devant la porte. Le dimanche 22 juin, à 5 heures du matin, les autobus sont venus les chercher pour les mener au camp de Drancy. Le jour même, elles étaient déportées dans un convoi de plus de 900 hommes. Deux dimanches du mois d'avril 1996, je suis allé dans les quartiers du 5 heures de Marie et des Tourelles. J'ai senti peser la tristesse d'autres dimanches quand il fallait rentrer au pensionnat. J'étais sûr que Dora Bruder descendait du métro à Nation et retardait le moment où elle franchirait le porche. Le boulevard Mortier est en pente. Pour le rejoindre, ce dimanche 28 avril 1996, j'ai suivi ce chemin, rue des Archives, rue de Bretagne, rue des Filles du Calvaire, puis la montée de la rue Oberkampf, à droite, l'échappée des arbres, rue des Pyrénées, rue de Ménilmontant. Dans la dernière partie de la rue Saint-Fargeau, j'avais l'impression de traverser un village abandonné. Le boulevard Mortier est bordé de platanes, là où il finit, juste avant la porte des Lilas. Les bâtiments de la caserne des Tourelles existent toujours. Le boulevard était désert et perdu, dans un silence si profond que j'entendais le bruissement des platanes. Un haut mur entoure l'ancienne caserne et cache les bâtiments de celle-ci. J'ai longé ce mur. Une plaque y est fixée sur laquelle j'ai lu « Zone militaire, défense de filmer ou de photographier ». Derrière le mur s'étendait un no man's land, une zone vide et d'oubli. Les vieux bâtiments des tourelles n'avaient pas été détruits comme le pensionnat de la rue de Picpus. Et cela revenait au même. À 20 ans, j'avais éprouvé la même sensation de vide et d'oubli. J'avais suivi la rue des Jardins Saint-Paul jusqu'à la Seine. Tous les immeubles de la rue avaient été rasés peu de temps auparavant. On distinguait encore, sur les murs à ciel ouvert, les papiers peints des anciennes chambres, les traces des conduits de cheminée. On aurait dit que le quartier avait subi un bombardement. Cet automne, je marchais de nouveau dans ce quartier et de nouveau, je ressentais un vide. Les façades étaient rectilignes, les fenêtres carrées, le béton de la couleur de l'amnésie. De temps en temps, un banc, un square, des arbres, accessoires d'un décor, feuilles artificielles. On ne s'était pas cantonné comme au mur de la caserne des tourelles de fixer un panneau zone militaire, défense de filmer ou de photographier. On avait tout anéanti pour construire une sorte de village suisse dont on ne pouvait plus mettre en doute la neutralité. Les lambeaux de papier peint que j'avais vus encore il y a 30 ans, rue des Jardins de Saint-Paul, c'étaient les traces de chambres où l'on avait habité, les chambres de ceux et celles de l'âge de Dora que les policiers étaient venus chercher un jour de juillet 1942. La liste de leurs noms s'accompagnera toujours des mêmes noms de rue. Et les numéros des immeubles et les noms des rues ne correspondent plus à rien. Quand Dora était prisonnière aux tourelles, on pouvait recevoir des colis et aussi des visites le jeudi et le dimanche et assister à la messe le mardi. Les gendarmes faisaient l'appel à 8 heures du matin. Les détenus se tenaient au garde à vous, au pied de leur lit. Au déjeuner dans le réfectoire, on ne mangeait que des choux. Promenade dans la cour de la caserne, souper à 6 heures du soir. De nouveau l'appel, tous les 15 jours les douches où l'on allait par deux, accompagné par les gendarmes. Coup de sifflet, attente. Pour les visites, il fallait écrire une lettre au directeur de la prison et l'on ne savait pas s'il donnerait son autorisation. Souvent, les visites étaient supprimées sans raison. Parmi les femmes que Dora a pu connaître aux tourelles, se trouvaient celles que les Allemands appelaient « amies des Juifs ». Des Françaises ariennes qui eurent le courage, le premier jour où les Juifs durent porter l'étoile jaune, de la porter elles aussi, en signe de solidarité, mais de manière insolente ou fantaisiste. L'une avait attaché une étoile au cou de son chien, une autre y avait brodé « papou », ces amis des Juifs exerçaient les professions suivantes, dactylo, papetière, marchande de journaux, femme de ménage, employée des PTT, étudiante. Au mois d'août, les arrestations furent de plus en plus nombreuses. Les femmes ne passaient plus par le dépôt, elles étaient conduites directement aux tourelles. Les dortoirs de 20 personnes en contenaient le double. Dans cette promiscuité, la chaleur était étouffante et l'angoisse montait. On comprenait que les tourelles n'étaient qu'une gare de triage et l'on risquait chaque jour d'être emporté vers une destination inconnue. Le soir du 12 août, le bruit se répandit aux tourelles que toutes les juives et celles que l'on appelait les amies des juifs devaient partir le lendemain pour le camp de Drancy. Le 13 au matin, à 10 heures, l'appel interminable commença dans la cour de la caserne. On déjeuna une dernière fois sous les marronniers, une ration misérable qui vous laissait affamés. Les autobus arrivèrent. Il y en avait une quantité suffisante pour que chacune des prisonnières eût sa place assise. Le convoi s'ébranla. Il était entouré de policiers motocyclistes casqués. Ils suivirent le chemin que l'on prend pour aller aujourd'hui par l'autoroute à l'aéroport de Roissy. À Drancy, dans la cohue, Dora retrouva son père, interné là depuis mars. Le camp se remplissait chaque jour d'un flot de plus en plus nombreux d'hommes et de femmes. Les uns arrivaient de zones libres par milliers dans les trains de marchandises. Des centaines et des centaines de femmes que l'on avait séparées de leurs enfants venaient des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Et 4000 enfants arrivèrent à leur tour le 15 août, après qu'on eut déporté leur mère. Les noms de beaucoup d'entre eux, qui avaient été écrits à la hâte sur leurs vêtements, n'étaient plus lisibles. Enfant sans identité, numéro 122. Enfant sans identité, numéro 146. Petite fille âgée de 3 ans, prénom Monique, sans identité. À cause du trop-plein du camp et en prévision des convois qui viendraient de zones libres, les autorités décidèrent d'envoyer de Drancy au camp de Pithiviers les Juifs de nationalité française, le 2 et le 5 septembre. Les 4 filles qui étaient arrivées le même jour que Dora aux tourelles, Claudine, Zélie, Marthe et Yvonne, firent partie de ce convoi d'environ 1500 juifs français. Dora, qui était française, aurait pu elle aussi quitter Drancy, mais elle préféra sans doute rester avec son père. Tous les deux, le père et la fille, quittèrent Drancy le 18 septembre avec 1000 autres hommes et femmes dans un convoi pour Auschwitz. La mère de Dora, Cécile Bruder, fut arrêtée le 16 juillet 1942, le jour de la grande rafle, et internée à Drancy. Elle y retrouva alors son mari pour quelques jours, alors que Dora était encore aux Tourelles. Cécile fut libérée le 23 juillet, sans doute parce qu'elle était née à Budapest et que les autorités n'avaient pas encore donné l'ordre de déporter les Juifs originaires de Hongrie. Mais elle fut de nouveau internée au camp de Drancy le 9 janvier 1943 et elle partit dans le convoi du 11 février suivant pour Auschwitz, 5 mois après son mari et sa fille. J'ignorerai toujours à quoi Dora passait ses journées, où elle se trouvait, en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau. C'est son secret. Un secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le dépôt, les casernes, les camps, l'histoire, le temps, tout ce qui vous souille et vous détruit, n'auront pu lui voler. France Culture, la soirée spéciale consacrée à Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Vous venez d'entendre Samy Frey qui lisait des extraits de Dora Bruder, de Patrick Modiano, des extraits choisis par l'écrivain Hervé Prudhon et une lecture enregistrée en public en 2009 pour le Festival Paris en toutes lettres. Nous arrivons au terme de cette journée spéciale consacrée à Patrick Modiano sur France Culture. Ainsi, nous allons clore cette série de lectures avec une voix féminine, celle d'Irène Jacob, lisant un extrait de L'Horizon, un roman paru en 2010, c'était à Toulouse en 2012, pour le Marathon des mots, Irène Jacob. Ce soir-là, sur le terre-plein de la place de l'Opéra, des manifestants étaient rassemblés face à une rangée de CRS qui formait une chaîne tout le long du boulevard, apparemment pour le protéger d'un passage d'un cortège officiel. Bosmans était parvenu à se glisser à travers cette foule jusqu'à la bouche du métro, avant la charge des CRS. Il avait à peine descendu quelques marches que derrière lui, des manifestants refluaient en bousculant ceux qui les précédaient dans les escaliers. Il avait perdu l'équilibre et entraîné une fille en imperméable devant lui et tous deux, sous la pression des autres, était plaqué contre le mur. On entendait des sirènes de police. Au moment où il risquait d'étouffer, la pression s'était relâchée. Le flot continuait à s'écouler le long des escaliers. L'heure de pointe. Ils étaient montés ensemble dans une rame. Tout à l'heure, elle s'était blessée contre le mur. Et elle saignait à l'arcade sourcilière. Ils étaient descendus de station plus loin et ils l'avaient emmenée dans une pharmacie. Ils marchaient l'un à côté de l'autre à la sortie de la pharmacie. Elle portait un sparadrap au-dessus de l'arcade sourcilière. et il y avait une tache de sang sur le col de son imperméable. Une rue calme. Ils étaient les seuls passants. La nuit tombait. Rue bleue. Ce nom avait paru irréel à Bosmans. Il se demandait s'il ne rêvait pas. Bien des années plus tard, il s'était retrouvé par hasard dans cette rue bleue et une pensée l'avait cloué au sol. Est-on vraiment sûr que les paroles que deux personnes ont échangées lors de leur première rencontre se soient dissipées dans le néant, comme si elles n'avaient jamais été prononcées? Et ces murmures de voix, ces conversations au téléphone depuis une centaine d'années, ces milliers de mots chuchotés à l'oreille, tous ces lambeaux de phrases de si peu d'importance qu'ils sont condamnés à l'oubli. Margaret Lecoz, en deux mots. Vous habitez le quartier? Non, du côté d'Auteuil. Et si toutes ces paroles restaient en suspens, dans l'air, jusqu'à la fin des temps, et qu'il suffisait d'un peu de silence et d'attention pour en capter les échos. Alors, vous travaillez dans le quartier? Oui, dans les bureaux. Et vous? Bosman s'était surpris par sa voix calme, cette manière paisible et lente de marcher, comme une promenade, cette apparente sérénité qui contrastait avec le sparadrap au-dessus de l'arcade sourcilière et la tache de sang sur l'imperméable. « Oh, moi, je travaille dans une librairie. » Ça doit être intéressant. Le ton était courtois, détaché. Margaret Lecoz, c'est breton. Oui. Alors, vous êtes née en Bretagne? Non, à Berlin. Elle répondait aux questions avec une grande politesse, mais Bosman sentait qu'elle n'en dirait pas plus. Berlin. Une quinzaine de jours plus tard, il attendait Margaret Lecoz sur le trottoir à 7 heures du soir. Mérové était sorti de l'immeuble le premier. Il portait un costume du dimanche, ses costumes aux épaules étriquées faits par un tailleur de l'époque du nom de Renoma. Vous venez avec nous ce soir? Avait-il dit à Bosmans de sa voix métallique. Nous sommes de sortie, une boîte des Champs-Élysées, le festival. Il avait lancé festival d'un ton déférent comme s'il s'agissait d'un haut lieu de la vie nocturne et parisienne. Bosman avait décliné l'invitation. Alors Mérové s'était planté devant lui. Je vois, vous préférez sortir avec la boche. Il avait pour principe de ne jamais réagir à l'agressivité des autres, ni aux insultes, ni aux provocations, sauf par un sourire pensif. Étant donné sa taille et son poids, le combat aurait été la plupart du temps inégal. Et puis après tout, les gens n'étaient pas si méchants que ça. Ce premier soir, ils continuaient de marcher tous les deux, lui et Margaret Lecoz. Ils étaient avenue Truden, une avenue dont on dit qu'elle ne commence ni ne finit nulle part, peut-être parce qu'elle forme une sorte d'enclave ou de clairière et qu'il n'y passe que de rares voitures. Ils étaient assis sur un banc. « Qu'est-ce que vous faites dans vos bureaux ?»« Un travail de secrétaire. Et je traduis du courrier en allemand. »« Ah oui, c'est vrai !» Vous êtes née à Berlin. Il aurait voulu savoir pourquoi cette Bretonne était née à Berlin. Mais elle restait silencieuse. Elle avait regardé sa montre. J'attends que l'heure de pointe soit passée pour reprendre le métro. Ils attendirent ainsi dans un café, en face du lycée Rollin. Bosmans avait été pendant 2 ou 3 ans interne dans ce lycée, comme dans beaucoup d'autres pensionnats de Paris et de province. La nuit, il s'échappait du dortoir et marchait le long de l'avenue silencieuse jusqu'aux lumières de Pigalle. « Vous avez fait des études ? » Était-ce à cause de la proximité du lycée Rollin qui lui avait posé la question ? Non, pas d'études. Moi non plus. Quelle drôle de coïncidence. D'être assis en face d'elle, dans ce café de l'avenue Trudaine. Un peu plus loin sur le même trottoir, l'école commerciale. Un camarade du lycée Rollin, dont il avait oublié le nom, un garçon joufflu et brun qui portait toujours des après-ski, l'avait convaincu de s'inscrire à cette école commerciale. Bosmans l'avait fait uniquement pour prolonger son sursis militaire, mais il n'y était resté que 2 semaines. « Vous croyez que je dois garder ce sparadrap ?» Elle frottait du doigt son arcade sourcilière et le pansement au-dessus de celle-ci. Bosmans était d'avis de garder le sparadrap jusqu'au lendemain. Il lui demanda si c'était douloureux. Elle haussa les épaules. « Non, pas très douloureux. Tout à l'heure, j'ai cru que j'allais étouffer. » Cette foule, dans la bouche du métro, ses rames bondées chaque jour à la même heure. Bosmans avait lu quelque part qu'une première rencontre entre 2 personnes est comme une blessure légère que chacun ressent et qui le réveille de sa solitude et de sa torpeur. Plus tard, quand il pensait à sa première rencontre avec Margaret Lecause, il se disait qu'elle n'aurait pas pu se produire autrement, là, dans cette bouche de métro, projetée l'un contre l'autre. Et dire qu'un autre soir, au même endroit, il aurait descendu le même escalier, dans la même foule, et pris la même rame, sans se voir. Mais était-ce vraiment sûr ? J'ai quand même envie d'enlever le sparadrap. Elle essayait d'en tirer l'extrémité entre pouce et l'index, mais elle n'y parvenait pas. Bosmans s'était rapproché d'elle. « Attendez, je vais vous aider. » Il tirait le sparadrap doucement, millimètre par millimètre. Le visage de Margaret Lecause était tout près du sien. Elle tâchait de sourire. Enfin, il réussit à l'ôter complètement, d'un coup sec. La trace d'un hématome au-dessus de l'arcade sourcilière. Il avait laissé sa main gauche sur son épaule. Elle le fixait de ses yeux clairs. Demain matin, au bureau, ils vont croire que je me suis battue. Bosmans lui demanda si elle ne pouvait pas prendre un congé de quelques jours après cet accident. Elle lui sourit, apparemment émue d'une telle naïveté. Dans les bureaux de Richelieu intérim, on ne retrouvait plus sa place à la moindre absence. Ils marchèrent jusqu'à la place Pigalle. Par le même chemin que suivait Bosmans quand il s'échappait des dortoirs du lycée Rollin. Devant la bouche du métro, il lui proposa de la raccompagner chez elle. Ne souffrait-elle pas trop de sa blessure ? Non. D'ailleurs, à cette heure-ci, les escaliers, les couloirs et les rames étaient vides et elle ne risquait plus rien. « Venez me chercher un soir, à 7 heures, à la sortie des bureaux. » Lui dit-elle de sa voix calme, comme si désormais la chose allait de soi. Au 25, rue du 4 septembre. Ni l'un ni l'autre n'avait de stylo ou de papier pour écrire cette adresse, mais Bosmans la rassura. Il n'oubliait jamais le nom des rues et les numéros des immeubles. C'était sa manière à lui de lutter contre l'indifférence et l'anonymat des grandes villes, et peut-être aussi contre les incertitudes de la vie. Il la suivait du regard pendant qu'elle descendait les marches. Et s'il l'attendait pour rien, le soir à la sortie des bureaux? Une angoisse le prenait à la pensée qu'il ne pourrait plus jamais la retrouver. Il essayait vainement de se rappeler dans quel livre était écrit que chaque première rencontre était une blessure. Il avait dû lire ça du temps du lycée Rollin. Le premier soir où Bosman s'était venu la chercher à la sortie des bureaux, elle lui avait fait un signe du bras dans le flot de ceux qui passaient sous le porche. Elle était accompagnée par les autres. Mérové, le brun à la tête de bulldog et le blond aux lunettes teintées. Elle les avait présentés en les appelant « mes collègues ». Mérové leur avait proposé de prendre un verre un peu plus loin, au firmament. Et Bosman s'avait été frappé par sa voix métallique. Margaret Lecause avait lancé un regard furtif à Bosman avant de se retourner vers Mérové. Elle lui avait dit « Je ne peux pas rester longtemps, je dois rentrer plus tôt que d'habitude. »« Ah oui, vraiment ?» Et Mérové la dévisageait d'une manière insolente. Il s'était planté devant Bosmans et avait éclaté de son rire d'insecte. « J'ai l'impression que vous voulez nous enlever, mademoiselle Lecause. » Bosmans avait répondu d'un air pensif. « Ah oui, vous croyez ?» Dans le café, il s'était assis à côté d'elle et tous deux faisaient face aux trois autres. Le brun à la tête de bulldog paraissait de mauvaise humeur. Il se pencha vers Margaret Lecause et lui dit « Vous aurez bientôt fini la traduction du rapport. Demain soir, monsieur. » Elle l'appelait monsieur parce qu'il était beaucoup plus âgé que tous. Oui, environ 35 ans. « On n'est pas là pour parler travail. » dit Mérové en fixant le brin à la tête de bulldog, l'air d'un enfant mal élevé qui s'attend à recevoir une gifle. L'autre ne broncha pas, comme s'il était habitué à de telles remarques et qu'il éprouvait même une certaine indulgence pour ce jeune homme. « C'est vous qui vous êtes battu avec notre collègue. » Mérové avait posé de manière impromptue cette question à Bosmans en lui désignant l'arcade sourcilière de Margaret Lecause. Celle-ci demeurait impassible. Bosmans fit semblant de ne pas avoir entendu. Il eut un silence. Le garçon de café ne venait pas à leur table. « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» demanda le blond aux lunettes teintées. « Tu leur demandes 5 demi, sans faux col, » dit Mérové d'un ton sec. Le blond se leva et marcha jusqu'au zinc pour passer la commande. Margaret Lecause échangea un regard avec Bosmans et il eut l'impression que c'était un regard complice. Il cherchait une phrase pour rompre le silence. « Alors, vous travaillez dans le même bureau ?» À peine l'eut-il prononcé que cette phrase lui sembla stupide. Et il se promit de ne plus faire aucun effort de conversation. Jamais. « Pas dans le même bureau, » dit Mérové. « Monsieur a un bureau pour lui tout seul. » Il désigna le brun à la tête de bulldog qui gardait un visage sévère. De nouveau, le silence. Margaret Lecause ne touchait pas à son verre et Bosmans non plus n'éprouvait aucune envie de boire de la bière à cette heure-là. « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» La question lui avait été posée par le brun à la tête de bulldog qui lui souriait d'un drôle de sourire contrastant avec la dureté de son regard. À partir de cet instant-là, leurs visages et leurs voix se perdent dans la nuit des temps. Sauf le visage de Margaret. Le disque s'enraye avant de s'interrompre brutalement. D'ailleurs, c'était bientôt l'heure de la fermeture du café dont Bosman s'ignorait toujours pourquoi il s'appelait « le firmament ». Il marche jusqu'à la station de métro. C'est ce soir-là que Margaret Lecause lui dit qu'elle aimerait bien changer de travail et quitter définitivement Richelieu intérim et ses collègues de tout à l'heure. Elle lit chaque jour les petites annonces et chaque jour elle espère une phrase qui lui ouvrira d'autres horizons. place de l'Opéra, quelques rares personnes entrent dans la bouche du métro. Ce n'est plus l'heure de pointe, plus de cordons de CRS autour du terre-plein et le long du boulevard des Capucines. Mais devant l'Opéra, deux ou trois hommes se tiennent à côté de leur grosse voiture de louage, attendant un client qui ne viendra pas. Au moment de descendre l'escalier, Bosmans l'a prise par l'épaule, comme s'il voulait la protéger d'une bousculade aussi violente que l'autre soir. Mais ils suivent des couloirs déserts et ils sont seuls sur le quai à attendre la rame. Il se souvient d'un long trajet en métro au bout duquel il se retrouve dans la chambre de Margaret Lecauz, à Auteuil. Il voulait savoir pour quelle raison elle avait choisi de louer une chambre dans ce quartier lointain. « C'est plus sûr », avait-elle dit. Puis elle s'était tout de suite corrigée. « C'est plus tranquille ». Bosmans avait surpris dans son regard une inquiétude, comme si elle courait un danger. Et un soir, qu'il s'était donné rendez-vous après son travail dans le bar de Jacques l'Algérien, tout près de chez elle, il lui avait demandé si elle connaissait d'autres gens à Paris, en dehors de ses collègues de bureau. Elle avait eu un moment d'hésitation. « Non, personne, à part toi. » Elle n'habitait Paris que depuis l'année précédente. Avant, elle avait séjourné en province et en Suisse. Bosman se rappelait les trajets interminables en métro avec Margaret Lecauz aux heures de pointe. Et depuis qu'il prenait des notes sur son carnet noir, il avait fait deux ou trois rêves où il la voyait dans la foule à la sortie des bureaux. Et un rêve aussi où de nouveau ils étaient écrasés contre le mur à cause de la pression de ceux que l'on poussait dans l'escalier derrière eux. Il s'était réveillé en sursaut. Une pensée lui était venue à l'esprit qu'il avait notée dans son carnet le lendemain. À cette époque-là, sentiment d'être avec Margaret perdue dans la foule. Il avait retrouvé deux cahiers verts de marque Clairefontaine dont les pages étaient remplies d'une petite écriture serrée qu'il avait fini par reconnaître la sienne. Un livre qu'il essayait d'écrire l'année où il avait rencontré Margaret Lecauz, une sorte de roman. Au fur et à mesure qu'il feuilletait les cahiers, il avait été frappé par l'écriture beaucoup plus serrée que celle qui était la sienne d'ordinaire. Et surtout, il remarquait qu'elle occupait les marges et qu'il écrivait sans jamais aller à la ligne ou à la page et qu'il n'y avait dans ce manuscrit aucun espace blanc. C'était sans doute sa manière à lui d'exprimer un sentiment d'asphyxie. Il écrivait parfois l'après-midi dans la chambre de Margaret Lecauz, où il se réfugiait en son absence. La fenêtre mansardée donnait sur un jardin à l'abandon, au milieu duquel se dressait un hêtre pourpre. Cet hiver-là, le jardin fut recouvert d'une couche de neige. Mais bien avant la date qu'indiquait le calendrier pour le début du printemps, les feuillages de l'arbre atteignaient presque la vitre de la fenêtre. Alors, pourquoi ? Dans cette chambre paisible, à l'écart du monde, l'écriture sur les pages des cahiers était-elle si serrée ? Pourquoi donc ce qu'il écrivait était si noir et si étouffant ? Voilà des questions qu'il ne s'était jamais posées sur le moment. On se sentait loin de tout dans ce quartier, les samedis et les dimanches. Dès les premiers soirs, où il était venu la chercher à la sortie des bureaux, et qu'il s'était retrouvé avec Mérové et les autres, elle lui avait dit qu'elle préférait rester là-bas les jours de congé. Ses collègues connaissaient-ils son adresse ? Mais non. Quand ils avaient voulu savoir où elle habitait, elle leur avait parlé d'un foyer d'étudiante. En dehors des heures de bureau, elle ne les fréquentait pas. Elle ne fréquentait personne. Un samedi soir, qu'ils étaient tous les deux à Auteuil, au bar de Jacques l'Algérien, à une table du fond, devant le vitrail lumineux, il lui avait dit « Si je comprends bien, tu te caches et tu habites ici sous un faux nom. » Elle avait souri, mais d'un sourire contraint. Apparemment, elle n'appréciait pas beaucoup ce genre d'humour. Sur le chemin du retour, à l'angle de la rue des Perchamps, Elle s'était arrêtée, comme si elle avait décidé de lui faire un aveu. Ou bien craignait-elle que quelqu'un ne l'attende là-bas, devant la porte cochère de l'immeuble ? Il y a un type qui me cherche depuis quelques mois. Bosmans lui avait demandé qui était ce type. Elle avait haussé les épaules. Elle regrettait peut-être de lui avoir fait cette confidence. Un type que j'ai connu. Et tu as peur de lui ? Oui. Maintenant, elle paraissait soulagée. Elle restait immobile et fixait Bosmans de ses yeux clairs. Il connaît ton adresse ? Non. Ce type ne savait pas non plus où elle travaillait. Bosmans essayait de la rassurer. Paris est grand. Impossible de retrouver quelqu'un dans la cohue des heures de pointe. Ils ne se distinguaient pas de la foule, tous les deux. Ils étaient des anonymes. Comment repérer une Margaret Lecoz et un Jean Bosmans ? Il l'avait prise par l'épaule. Il marchait le long de la rue des Perchants. Il faisait nuit et il s'efforçait de ne pas glisser sur les plaques de verglas. Le silence autour d'eux. Bosmans entendait sonner la cloche d'une église. Il compta les coups à voix haute en la serrant plus fort contre lui. 11 heures du soir. À cette heure-là, seul le bar de Jacques l'Algérien, rue Poussin, restait ouvert dans ce quartier. Bosmans se sentit très loin de Paris. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un te repère ici. Tu crois ? Elle regardait devant elle d'un air inquiet l'entrée de l'immeuble. Personne. D'autres soirs, elle n'y pensait pas. D'autres jours, elle lui demandait de venir sans faute la chercher à la sortie de son travail. Elle avait peur que le type n'ait retrouvé sa trace. Il aurait voulu en savoir plus, mais elle était réticente à lui donner des détails. Et pendant les moments d'insouciance, Bosmans espérait qu'elle finirait par tout oublier. Un samedi soir, il sortait d'un cinéma à Auteuil. Elle lui avait dit qu'elle croyait qu'un homme les suivait. Il s'était retourné, mais elle l'avait pris par le bras et l'entraînait pour qu'il presse le pas. Un homme marchait en effet à une vingtaine de mètres, derrière eux, une silhouette de taille moyenne dans un manteau à chevrons. « On l'attend ?» demanda Bosmans d'un ton enjoué. Elle lui serrait le bras et le tirait en avant, mais il ne bougeait pas. L'autre se rapprochait. Il passa devant eux sans leur prêter attention. « Non. » Heureusement. Ce n'était pas celui qu'elle croyait. De retour dans la chambre de la rue des Perchants, il lui avait dit sur le ton de la plaisanterie. « Et alors, ce type, j'aimerais quand même savoir comment il est, pour le reconnaître dans la rue. » Un brun, d'une trentaine d'années, assez grand, le visage maigre. En somme, Margaret restait dans le vague en lui faisant ce portrait. Mais il continuait à lui poser des questions. Non, cet homme n'habitait pas à Paris. Elle l'avait connu en province ou en Suisse. Elle ne se souvenait plus très bien. Une mauvaise rencontre. Et quel était son métier ? Elle ne savait pas trop. Une sorte de voyageur de commerce, toujours en déplacement dans les hôtels de province et de temps en temps à Paris. Elle était de plus en plus évasive et Bosmans devinait que pour combattre sa peur, elle enveloppait cet individu d'une brume. Elle dressait entre elle et lui une sorte de vitre dépolie. Cette nuit-là, dans la chambre, il lui disait que cela n'avait aucune importance. Il fallait simplement ignorer cet individu. Et s'il se présentait un jour, passer devant lui sans même lui jeter un regard. D'ailleurs, elle n'était pas la seule à vouloir éviter quelqu'un, lui non plus. Il ne pouvait pas traverser certains quartiers de Paris sans appréhension. Alors, toi aussi, tu as peur de rencontrer des gens ? Imagine, un couple d'une cinquantaine d'années, lui avait dit Bosmans, une femme aux cheveux rouges et au regard dur, un homme brun, l'air d'un prêtre défroqué. La femme aux cheveux rouges, c'est ma mère, si j'en crois l'état civil. À cette époque de sa jeunesse, chaque fois que Bosmans avait le malheur de rencontrer le couple, S'il se risquait rue de la Seine, rue de Seine et dans les environs, c'était toujours la même chose. Sa mère marchait vers lui, le menton agressif, et lui demandait de l'argent, sur le ton autoritaire avec lequel on réprimande un enfant. Le brun se tenait à l'écart, immobile, et le considérait sévèrement, comme s'il voulait lui faire honte d'exister. Postman s'ignorait pourquoi ces deux êtres lui témoignaient un tel mépris. Il fouillait dans sa poche en espérant y trouver quelques billets de banque. Il les tendait à sa mère, qui les empochait d'un geste brusque. Ils s'éloignaient tous deux très raides et très dignes, l'homme avec une cambrure de torero. Il ne restait plus à Bosmans de quoi prendre un ticket de métro. « Mais pourquoi tu leur donnes de l'argent ?» Elle paraissait vraiment intriguée de ce que venait de lui dire Bosmans. « Mais c'est vraiment ta mère ? Et tu n'as pas d'autre famille ?»« Non. » Elle avait oublié quelques instants cet homme dont elle craignait qu'il ne l'attende un soir devant l'immeuble. « Tu vois bien que tout le monde risque de faire de mauvaises rencontres, » avait dit Bosmans. Et il avait ajouté que le couple, à plusieurs reprises, avait frappé à la porte de sa chambre dans le 14e arrondissement pour lui réclamer de l'argent. Une seule fois, il ne leur avait pas ouvert, mais ils étaient revenus plus tard. L'homme attendait dans la rue, toujours habillé de noir, le port de tête altier. Sa mère était montée et avait demandé l'argent d'une voix sèche, comme si elle s'adressait à un locataire qui n'avait pas payé son loyer depuis longtemps. De la fenêtre, il les avait vus s'éloigner le long de la rue, toujours aussi raides et dignes. « Heureusement, j'ai changé d'adresse. Ils ne peuvent plus me rançonner. » Ce soir-là, il lui avait encore posé des questions. Elle n'avait plus de nouvelles de ce type depuis qu'elle travaillait à Richelieu intérim. Elle aussi avait changé d'adresse pour qu'il perde sa trace. Avant de se fixer dans cette chambre à Auteuil, elle avait habité plusieurs hôtels près de l'Étoile, dont l'un rue Bray. Et c'était là qu'il avait fini par la retrouver. Elle s'était échappée de cet hôtel en pleine nuit, sans même avoir fait sa valise. « Alors, tu n'as rien à craindre, » lui avait dit Bosmans. « Il doit être là-bas, en train de monter la garde jusqu'à la fin des temps. » Elle avait éclaté de rire, ce qui avait rassuré Bosmans. Les deux autres aussi l'attendaient peut-être à son ancienne adresse pour lui demander encore de l'argent. Il les imaginait sur le trottoir. La femme aux cheveux rouges, la tête haute, en figure de proue, et l'homme, toujours aussi raide, dans sa cambrure de torero. « Et comment il s'appelle, ce type ?» avait demandé Bosmans. « Tu peux au moins me dire son nom. » Elle avait hésité un instant. Une expression d'inquiétude avait traversé son regard. « Boyeval. » « Il n'a pas de prénom. » Elle ne répondait rien. De nouveau, elle paraissait préoccupée. Bosmans n'avait pas insisté. La neige tombait cette nuit-là. Il suffisait, avait-il dit à Margaret, de se persuader que l'on se trouvait très loin de Paris, à la montagne, quelque part en Engadine. Ces trois syllabes était douce à prononcer, elle vous apaisait et vous faisait oublier toutes les mauvaises rencontres. Boyeval. Il était content d'avoir mis un nom sur cet individu qui semblait tant préoccuper Margaret. Une fois que l'on savait le nom, on pouvait affronter le danger. Il se proposait, à l'insu de Margaret, de neutraliser ce Boyeval, comme il avait neutralisé la femme aux cheveux rouges, sa mère paraît-il, et l'homme vêtu de noir, dont il hésitait à dire qu'il avait l'allure d'un prêtre défroqué ou d'un faux torero. Il est presque minuit sur France Culture, vous venez d'entendre Irène Jacob nous lire un extrait de L'Horizon, un roman de Patrick Modiano, paru en 2010. Il me revient de dire les derniers mots et tourner la dernière page de cette grande aventure radiophonique que fut depuis 14 heures cette journée spéciale consacrée à Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Je remercie tous ceux et toutes celles qui, depuis 14 heures, se passent le relais pour honorer un écrivain faire entendre sa parole, ses textes. Je remercie tout le service de la fiction et en particulier Lucie Spindler, Marie Simon et Chloé Mauduit qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Je remercie Manon Houssin et Laetitia Coya pour la mise en onde de cette soirée de lecture. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces programmes sur franceculture.fr et les lectures sur fiction.franceculture.fr. C'est la nuit, maintenant vous avez rendez-vous avec Philippe Garbi et les nuits de France Culture. C'est le soir auprès du métro, nous avons croisé Modiano. Le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit, tu vois, la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière, de dos, en imper gris, c'est Modiano. C'est le soir où nous avons pris des mojitos jusqu'à minuit. Le soir où tu as répété, peut-être il habite le quartier. Le soir où nous sommes revenus en dévisageant toute la rue, en cherchant derrière les carreaux. L'ombre chinoise de Modiano. Appuyant sur le champ lexical de l'enfermement, vous soulignerez la terreur dans le regard du narrateur, dans les pages cornées d'un folio. Voyage de noces de Modiano et le baiser qui a suivi. Sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpo. Et le baiser qui a suivi, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpo. Je l'appelle Patrick.